avant tout le monde. 89.1. Le plan de cette semaine à Assemblage requis. Virling Mir listera ses mots préférés, commençant par la lettre R dans le Vironictionnaire. On recevra des jeunes talents de différents domaines dans notre ville en studio et nos chroniques habituelles. Donc c'est un fake, ça existe, mais ça devrait répondre là tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis à la plage pour la semaine du 8 juillet 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Stéphanie Paradis, ça vient dans quelques minutes. Ça va, toi? Oui. Oui. Quand même une belle semaine qui vient de se passer. Ah, boy. T'as arrêté de sortir à toutes les soirs pour aller voir des shows au festival. Oui, ça fait du bien de pouvoir se reposer. Dormir un peu le soir à la place de veiller tard. Se faire texter le soir. Ouais. Quand je dors. Comment ça, non? Je sais pas. Ah, je pensais que c'était une anecdote qui s'en venait. Peut-être. Mais en fait, c'était juste une joke. Comme hier, tu m'as texté. Ah, il était quelle heure? Ouais, il était genre 11h30, là, je dormais pas, j'étais en train d'écouter la radio. Je me disais bien que t'étais pas du genre à te coucher de bonne heure. Non, mais ben, je m'enlignais. Tu t'enlignais vers le lit. Je m'enlignais. Donc, veux-tu savoir ce qui se passe aujourd'hui à l'émission? Ben, j'aimerais ça. Mm-hmm. On a Véronique Mir et la lettre R dans le Véronictionnaire. R comme... Rhododendron. OK, robot. Oui. Ray. Oui. Le poisson. OK, oui. L'arrêt de l'arrêt comme dans... Okay. Oui. Rodolphe. Oui. Giroux ou encore le petit rayon rouge. Ronald, okay. Comme McDonald ou le gars que j'ai croisé hier. Ronald? Il y en a sûrement qui s'appellent Ronald. Ben oui, un des chauffeurs de taxi de ma petite patrie de chez moi, elle s'appelle Ronald. Ah, intéressant. Sinon, on va avoir aussi la chronique de Justine Renaud. Évidemment, c'est la chronique de découverte musicale. Justine procrastine. Pas mal ça, finalement. Hein? Non? On va avoir des jeunes talents qui vont se présenter en studio. Parle-nous donc un peu de ça. Ben oui, c'est vrai. À 16h30, dans le fond, deux jeunes de la relève qui sont au secondaire, qui viennent nous présenter leurs talents. Je pense que, de mémoire, on a un humoriste qui vient, brasser la place. OK. Trash. Ouais, vraiment. Okay. Non, ben, tu sais, quand même. Pour des jeunes secondaires. Ouais. Puis, une musicienne. Oh, intéressant. Oui. Donc, dans 2h30 environ. Voilà. Super, vers le milieu de l'émission. Sinon, nos chroniques habituelles, c'est un fait, King Sexy Time, Sex Message de Réponse là. Et notre nouvelle chronique qu'on a débutée la semaine passée, les instructions d'assemblage. Oui. On va continuer ça, on a le temps aujourd'hui. Deux drills, quatre mèches. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Voilà. Donc, pas de David Ferron, pas de choses de même. Non. Dérangeant. La paix. Dérangeant. La sainte paix. Tu vois que c'est une journée grise, c'est à la plage, il n'y a pas grand monde qui ose se présenter puis se mouiller les petits orteils. Ah, ils vendent tout le temps. C'est rendu fatigant. Hein? C'est fatigant. Mais bon, quand même, on va avoir du plaisir pour 4 heures à cette émission-ci. Et on a dit que Stéphanie s'en venait tantôt. Elle va arriver vers la fin de l'émission pour la dernière heure. Ouais. Et ça va être comme tag team un peu, je pense. Oui, puis là, ce que tu peux faire, là, c'est comme vraiment genre mixer ce que tu as dit au début de l'émission, c'est-à-dire il y a comme 3 minutes. Okay. Stéphanie Paradis s'en vient dans quelques minutes. Et puis là, tu viens de dire Stéphanie Paradis s'en vient vers la fin de l'émission. Si tu comptes 3 heures, c'est même vite pas passé ensemble. 180 minutes. Ah. C'est pas tellement. Hein? Ouais, c'est vrai. On devrait changer ça, les secondes et les minutes. Quelques longs en termes de. Juste de minutes. Ouais, c'est beau ça. Bon. Donc, vous savez, tout l'été, on bascule du côté francophone à l'anglophone dans les palmarès pour vous faire jouer là, la musique sur nos ondes. Donc, on est rendu au côté francophone et on insère un tout nouveau palmarès. Hein, c'est les palmarès pour la période du 8 au 21 juillet 2013. On a 5 nouvelles entrées. Plus tard, on entendra Mister Valère, Les Sœurs Boulay, Atomic Baobab et Mehdi Cayenne Club. Mais on débute en 20e place. Oui, avec Le Couleur, qu'on connaît, puisqu'il était dans le palmarès il n'y a pas si longtemps, mais avec la chanson Femme, cette fois-ci. Femme. Chose qu'il n'y a pas dans le studio. Hein? D'aujourd'hui, non. D'habitude, on a au moins une femme. En fait. Ouais, au moins. Va falloir changer ça, JB. Ouais, va te changer. J'arrive. J'ai le costume dans mon sac. Thank you.

nouvelle entrée. Atomic Baobab et la pièce Radio Réveil en 18e place du côté francophone. Colin, c'était bon ça? Oui, c'était bon. Ouais, il nous reste encore deux nouvelles entrées, les Sœurs Boulay et Mister Valère tantôt. Qu'on va se faire un plaisir d'écouter. Oui, oui, oui. Mais avant ça, je pense qu'on je pense qu'on est dû pour un petit peu de contenu. Ah! C'est pas pire ça? Bon, ah ouais donc. Commençons avec un petit peu de C'est un fait! C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je commence à l'avoir sur le bout des doigts. Si je t'avais demandé, est-ce que tu l'aurais su? Oui. Es-tu capable de le répéter? Oui. C'est un fait, c'est la chronique véridique, vérifiable et véritable. Le disant en désordre, ouais, c'est ça. C'est véridique, véritable et vérifiable. Exact, parce que si c'est pas dit comme ça, c'est pas vrai. Non, c'est ça. C'est une mauvaise citation. Et c'est évidemment toujours trois petits points selon Internet. Oui. Ouais. Donc, on a une grosse rafale de faits et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur twitter.com/assemblage c'est fou dans la liste C'est un fait. Je suis pris dans la rafale! Ah! Je la trouvais bonne. Et pff, ça, c'est la crème solaire que je te mets dans le dos. Oh! Okay. L'acide dans ton estomac est tellement puissante que ça pourrait dissoudre une lame de rasoir. Wow! Ça veut dire qu'on peut manger des lames de rasoir oui. sans danger. C'est ça, mais tranquillement. Mais je vous dis pas de faire ça à la maison. Non, faut juste pas que ça coupe pendant que ça descend. Ouais, c'est ça. Ouais. ça prend environ 59 minutes pour fabriquer un biscuit Oreo. 59? C'est 59 belles minutes. Après ça, ça prend combien de temps à le manger? 5,9 secondes. Une, ça fait une heure. Une heure. Ah! Oui! Exactement. Une minute par chocolat, par Oreo. Oui. Tu vas lentement, toi. T'es savoureux, hein? Les allergies aux arachides, ça affecte 4 millions d'Américains et c'est environ responsable pour la moitié des visites en salle d'urgence à chaque année aux États-Unis. La moitié? La moitié. Beaucoup de gens sont allergiques aux arachides. Une tasse à café sur 5 dans un environnement de bureau okay, contient des bactéries fécales et le E. coli, ce qui peut causer des empoisonnements et de la diarrhée. Une tasse de bureau sur 5. Mm-hmm. Appétissant, ça. On est 6, hein? Bon. Ouais. On boit tout du café. Chacun sa tasse, mais... Ouais. Une chance qu'on se partage pas nos tasses. Heureusement. Mm-hmm. Les coquilles d'œufs sont mangeables et en fait sont très élevées, ont une teneur élevée en calcium. Donc si tu voulais, tu pourrais... Ça tombe bien pour ceux qui, comme moi, cuisinent très mal et qui laissent un paquet de traces okay. de coquilles dans leurs œufs. Le babeurre. Tu connais le babeurre? Oui. Ça contient pas de beurre. Mm-mm. Ben non. Babeurre, pas de beurre. C'est tout? C'est tout. Ah. Le mot échec et mat, checkmate en anglais, on parle d'échec ici, ça vient de la phrase chat mat en langage perse. On utilise ça couramment, le perse. Ça veut dire le roi est déchu. Bizarre, hein? Mort en fait, même. Je pense qu'en arabe le mot veut dire mort. Donc ça peut vouloir dire le roi est déchu le ou roi est mort. Est mort. Le roi est mort. Environ 150 personnes meurent à chaque année d'une blessure à la tête causée par des noix de coco qui tombent. Combien? 150 personnes par année. Ben quand même. C'est quand même. Fléau. Oui, une épidémie. Ah oui. Selon les astronautes, l'espace sent exactement comme des biscuits aux amandes brûlées. Cute quand même. Amandes brûlées. Bonne senteur. Très bonne senteur. Plus une pièce est froide... Lorsque tu y dors, okay, la place où tu dors, ta chambre, plus tu as de chances d'avoir un mauvais rêve. Oh, s'il fait froid. Faites attention. La mélanine chez les Afro-Américains, ceux qui ont la peau plus foncée, plus noire, ça offre une protection naturelle pour le soleil, contre le soleil, ce qui est équivalent à du SPF 13. Hein, quand même, hein? On est jaloux. La couleur de tes yeux, que tes yeux voient dans la noirceur totale, c'est pas du noir, mais plutôt une teinte de gris qu'on appelle Eggengrau. Une teinte de gris. Je sais pas si c'est une des 50 préférées de 50 nuances de gris. C'est aussi sexy que ça. Pour les hommes, tiens, un petit fait intéressant. Il y a des récepteurs de goût dans les testicules. Évidemment, on peut pas se mettre quelque chose entre les jambes et goûter, là, mais il y a quand même ça. Ça a été étudié. Wow! Ça valait la peine d'étudier ça, je trouve. Sauce tomate. Ben, si t'es arrosé par une moufette, je m'offre à te lancer du jus de tomate entre tes jambes. Je te dirai ce que ça coûte. En tout cas, la senteur de l'espace, là, les amandes brûlées, j'espère qu'ils l'ont pas senti avec la testicule. C'était pour le. Ça a donné toute une sensation. Un homme qui s'appelle John Harrison, parlant de goût, il a goûté à des échantillons de 200 millions de gallons de crème glacée et ses papilles gustatives sont assurées pour 1 million de dollars. C'est un goûteur professionnel. Imagine. Hey, j'ai vu ça, Colin. J'ai pris la photo un matin. Il faut que je te montre ça. Ben & Jerry's, là, on en parlait la semaine passée. C'est toi qui me parlais de ça, je crois. Oui, oui. Oui, oui. Ils ont, attention, une saveur de crème glacée à la barbe à papa, toi. Hein? À la barbe à papa. Arrête donc. Tiens, je l'ai ici. Je te crois pas. Je l'ai cherché longtemps, là. C'est une saveur édition limitée. Ben oui, ils ont toi, ça chez Walmart aux États-Unis. Je le vois. Débile, hein? Quand même, c'est impressionnant. Est-ce que tu penses que tu peux l'enrouler autour de ta baguette? Autour de ton... pour que tu puisses le goûter. Ouais. On n'arrêtera jamais. San Francisco, en Californie, est la ville la plus snob des États-Unis, suivie de New York, à New York, et Boston, au Massachusetts. Mm-hmm. Hein, des villes snobinardes. Les piñatas sont souvent associés avec le Mexique, mais ça a été inventé en Chine. Je sais pas si ça sort des soufis de là, quand tu frappes. Alexander Graham... Du riz. Encore, on rit plus. Alexander Graham Bell voulait que le mot suivant soit le message, le mot commun qu'on dit quand on répond au téléphone. Il voulait qu'on dise « Ahoy! » Ahoy! Comme les pirates. « Ahoy! » quand tu réponds. Mais finalement, Thomas Edison a suggéré « Hello! » »« Hello! » »« Ça va? » la métathésiophobie. Qu'est-ce que c'est la métathésiophobie? Méta. Oui. Comme métal. Changement. Oui. Métathésio. Métathésio. Tézio. Tézio. Je peux-tu appeler un ami? La métathésiophobie, c'est la peur du changement. Ah, ben j'y étais presque. Presque. Ah! Oh. Moi, je t'aurais pu dire, c'est méta comme méta chemise. Mettons, mais là, tu changes d'idée, c'est méta, ouais. Comme tes pantalons. Mesio. Je sais pas où ils sont. J'ai mal à mes yeux. J'ai l'arthrite, j'ai mal aux yeux. C'est ça, aux yeux. Aux yeux. Ouais. Bon. La gomme. On vend pas de gomme au parc thématique le Disney. OK. Parce que Walt Disney voulait pas que les invités pilent sur la gomme. Tu sais, pour qu'ils se ramassent avec ça en dessous de leurs souliers, ça va défaire leur journée de rêve qu'ils ont payé des tout plein d'argent pour y aller. Donc ça a bien du sens, on ne vend pas de gomme là-bas. Sauf que tu peux en acheter au dépanneur en face. Et voilà. Mais ça va limiter pas mal les dégâts. Ouais, quand même. Les gagnants des Oscars ne peuvent pas vendre leur prix, leur trophée, pour faire du profit sans avoir offert de le revendre à l'Académie pour 1$. Pas pire quand même. C'est comme un Mac, hein? Ouais. Tu peux le revendre, puis tu sais, puis te racheter un autre pareil, mais je pense que pour une pièce... Tu laisserais faire. Tu laisses faire. Tu t'achèteras une gomme pour aller chez Disney World. Oui, c'est ça. Dû à l'érosion, les chutes Niagara reculent de 2,5 pieds à chaque année. Tranquillement, pas vite. Il n'y en a plus. Oui, ça arrive. C'est ça, à chaque fois que je vais là, tu sais, parce que je vais là à toutes les fins de semaine, oui. J'entends tout le temps, comme en arrière-plan, ça fait... Oui, voilà. C'est bravo. LASER, L-A-S-E-R, c'est un acronyme, ça veut dire ça? Ah! Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est l'amplification de la lumière stimulée par l'émission de la radiation. Ah, tu m'en en ferais une bonne? Ça te ferait un bon nom d'émission aussi. Oui. Le Light Amplification by Stimulated Emission. Assez fou. Assez fou. Of radiation. l'étiquette ne pas enlever. Tu sais, qu'on retrouve sur les matelas et sur les meubles. C'est marqué ne pas enlever cette étiquette-là, sous peine, tu sais, non? C'est fait pour les revendeurs, ça. Donc, une fois que tu l'as acheté, tu peux l'enlever. C'est que l'étiquette doit être là quand tu l'achètes. En magasin, quand tu l'achètes, exactement. Voilà. Voilà. C'est dit. L'endroit le plus sécuritaire au monde, c'est une voûte à l'intérieur de Fort Knox, au Kentucky, qui garde 5000 tonnes d'or avec une porte qui pèse 250 tonnes. Ben, ça sonne comme un défi, ça. Oh, oh, oh, c'est le moment du dé... Je vais... J'arrivais là. Combien de tonnes? 250 tonnes. Puis je vais faire ça. Puis ils vont m'ouvrir. Ben, faut que tu dises, s'il vous plaît. Oui, je peux aussi faire... C'est quoi déjà? Ahoy! Voilà. Veux-tu goûter à mes testicules? ensuite de ça, toujours, c'est un fait. Pourquoi? Ouais, pourquoi j'ai fait ça? Ouais. Je sais pas. Je trouvais ça drôle. qu'est-ce que la ptéronophobie? Ptéro, comme ptérodactyle. Oui, c'est ça. C'est la peur de se faire chatouiller par des plumes. Ah, c'est ça. Hein? Il y avait des oiseaux volants, ça? Oui, des oiseaux identifiés. Oh, c'est dur. Les saveurs de Pez, tu sais, les petits bonbons Pez, ouais. Qui ont pas fonctionné, donc qui ont été des échecs. Café, réglisse, eucalyptus, menthol et aux fleurs. Aux fleurs? Aux fleurs. Bonne saveur. Bonne idée, ça. La personne qui a eu ça, augmentation directe. Le plus long... augmentation du taux de chômage. Voilà. j'aime pas le prochain. Je veux sauter, mais je vais le faire parce que t'es là. Bon, OK, vas-y. C'est juste pour toi. Merci. On garde ça pour nous autres. Ouais, entre nous deux. OK, on va aller en musique. OK, puis... OK. Le plus long caca humain mesure 26 pieds. 26 pieds! Il est caché ça où? Je sais pas. Ça fait sûrement comme un Sunday chez Derek Queen. Ça fait un rond. 26 pieds, mais Mathieu, tu t'imagines-tu? Non, je veux pas l'imaginer, s'il te plaît. Check. J'enlève ma chaussure. Baisse la trame. OK. Je baisse la trame. Wow! C'est un pied, ça. Un pied, un méchant pied, d'ailleurs. Oui. Tu sais ce qu'ils disent quand t'as un grand pied de même. Oh, oh, oh. T'as un grand caca. Oui. À chaque incroyable. Année, incroyable. Le niveau de l'émission, il faudrait le remonter un petit peu. Oui. À chaque année, environ 130 millions de bébés sont nés. Sont nés. Ou naissent. Et 58 millions de gens meurent. Mm. Chaque année, 130 millions de plus, 58 millions de moins. Et bon. Une personne sur trois a déjà mangé sa propre cicatrice. Ah. Tu sais, miam! Quelle saveur, excellent. Tes sinus produisent jusqu'à 2 litres de mucus à chaque jour, mais ton corps en avale la moitié. Mm. Puis l'autre moitié? Dans le Kleenex. Dans le Kleenex, sûrement. J'avoue que prendre une petite pause musicale serait pas une mauvaise idée, rendu là. On va se remettre du 26 pieds. Je pense que oui. Est-ce qu'on s'en va entendre une chanson d'Atomic Baobab? Ben, je pense qu'on va aller faire ça. Ce serait pas pire, ça. C'est quoi que la pièce? On va écouter Radio Réveil. Radio Réveil. Radio Réveil. Radio Trédignon Réveil. Réveil la radio. Radio Réveil. Puis après ça, on va-tu écouter d'autres choses? Ouais, sûrement l'autre. Là. Ouais? Ouais. Je me demandais si... Il est-tu là? Non? C'est quoi? 5, 6. C'est Atomic Baobab. A, T, O. Ah, t'as bien raison. Je l'avais juste ici. Ben oui. Quand même. Tu parles d'une affaire, toi. Ben, des fois. Ouais. On l'avait écouté tantôt. Hein. C'est ça le problème, c'est qu'on l'avait écouté tantôt, on est rendu à l'eau. Ah, oh, ça se peut. Oups, c'est ma faute, je vais te dire. Pardon. Les Saboulés, qu'on s'en va entendre. Ben hey! Oui, hey, maudit, qu'est-ce qu'on fait là? Attends, je commence à trembler de la feuille. Ah! Les Saboulés, puis ça va être des shooters de force sur ton bras. Ça, c'est une bonne idée. Un peu pour ça que t'es dans cet état-là, Mathieu. Hein? Ah, ben quand même. Mm-hmm. Tu me connais, hein? Oui. Non. Celle-là ici? Ouais. C'est ça. Celle-là? Ouais. Wow. Je la connais pas encore, hein? C'est nouveau. C'est nouveau. Ben, découvrons-la. Ok. J'ouvre l'oreille. J'ai pas dit bye, pas remis les choses à leur place. Pas laissé de mots, juste ma photo en grimace. Ça fait du bien, un peu de vent dans la face. Ah ah, j'suis cassé tête, mais j'ai trouvé une coupe de pièces. Des shooters de force qui se rendra. Nouvelle entrée. ça nous anime. C-F-O-U 89-1. Rassemblage avec la plage avec Jean-Philippe Charbonneau et Mathieu Plante. Et juste avant la pause, on a entendu deux chansons du côté francophone, deux nouvelles entrées. On a terminé avec Mister Valère et la pièce Bellevue Avenue qui est en position 16. Et en 17e position, on avait les Sœurs Boulay et des Shooters de Fort sur ton bras. Hey, caramba! Oh, caliente! Caliente, por favor! Donc, oui, c'est ça. Ben, on continue ce qu'on a commencé tantôt. On l'a coupé en deux un petit peu. Là. Donc, voici la deuxième partie de C'est un fait. Et on continue, c'est un fait, avec le reste de la rafale, une vague, ça arrête, mais ça recommence, hein? C'est comme un séisme ou un train qui est idéal. C'est ça. Le travailleur américain moyen va gaspiller 100 minutes sur des activités non productives à chaque jour au travail. 100 minutes. Chaque jour. Chaque jour, ça en fait des heures. Là-dedans, il y a sûrement 90 minutes de Facebook. Sûrement environ, plus ou moins. Twitter, peut-être un petit peu là-dedans. Des fois, peut-être. Pinterest. Ouais. Mm-hmm. Quick Meme. Quick Meme. 9 gags. Oui. Aussi. pour 45$, le bureau ce qu'on appelle en anglais le US Bureau of Engraving and Printing, okay, va vous vendre un sac de 5 livres avec 10 000$ en valeur d'argent américain, mais déchiqueté. Oh. Donc, pour 45$, 5 livres, et ça vaut 10 000 piastres d'argent déchiqueté. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bonne dépense, tu sais. Est-ce qu'on peut essayer de leur... Tu sais, pour les passionnés de casse-tête. Tous les morceaux sont pareils, puis en plus, il faut que tu matches les numéros de série en dessous avec le vrai numéro de série qu'il y avait à l'origine. Oui, mais là, pour cette valeur-là, moi, je suis prêt à passer une coupe d'heure là-dessus. Oui, et perdre le salaire équivalent que tu aurais fait au travail. Le plus haut saut par un chien, OK? Plus haut saut qu'un chien a fait dans les airs. 5 pieds, 8 pouces, 1,7 mètres. C'était un Greyhound qui a fait ça, qui s'appelle Soaring Cindy. Cindy, la volante, là, Cindy. Oui. L'âne. Une compagnie de meubles a inventé ce qu'on appelle un smart bed qui va se refaire automatiquement aussitôt que tu sors. Wow! Ça, c'est l'idée du siècle. Pourquoi ça n'a pas été fait avant? Tu sais, c'est pas dur, là. Les robots, là, ils peuvent monter les escaliers, on les voit à TV tout le temps. Ils peuvent bien faire un lit, là. Oui. Moi, ce qui me gosse le plus là, dans un lit, c'est moi, je bouge la nuit. Okay. Puis mes coins de lit, mon drap contour, ouais, je finis toujours par le ramasser. Il se décontorise. Mais tu te rappelles du truc que je te donnais la semaine passée de faire un nœud sur ton drap? Hein? Oui. Je t'ai dit ça la semaine passée dans le chronique des instructions d'assemblage. Il faut que tu écoutes puis que tu exécutes. Mais j'ai écouté, mais j'ai pas exécuté. Ah, OK. Ben, exécute. T'as encore 7 autres journées. Parfait. Pour le faire. Jusqu'à la semaine prochaine. Laisse-moi pas tomber. OK, non, jamais. Je crois en toi. Stay in school, don't do drugs. Merci. Certains gens, et là c'est des freaks, là, on s'entend, peuvent entendre leurs yeux bouger à l'intérieur de leur crâne. Oh, ça doit-tu être dérangeant? Dérangeant. On a parlé la semaine passée que si on pouvait entendre en dessous d'un certain décibel, d'une certaine fréquence, ce qui n'est pas le cas, il n'y a personne qui peut, on pouvait entendre nos muscles bouger dans nos avant-bras. Mais eux, c'est vraiment, ça existe pour vrai, entendre leurs yeux. Moi, en tout cas, chose certaine, c'est que tu peux m'entendre quand je me lève. Mais ça fait toujours... Et quand tu t'assois aussi, je te dis même. Une étude nous apprend que les hommes préfèrent les... j'aurais pu mettre ça dans Kinky, finalement. Préfèrent les entregents féminins qui sont roses et non pas rouges. Ah! En majorité. C'est une étude bien spéciale. Les varins. Un restaurant. Typiquement, quand tu commandes un hamburger, des frites et une boisson, les grandeurs de tout ça, c'est 4 fois plus gros que ce qu'on pouvait acheter dans les années 50 quand tu prenais un trio au restaurant. C'est 4 fois plus gros maintenant. Mm-hmm. Ça vaut la peine. Oui. Je suis bien content. Une autre étude nous apprend que les plantes se parlent entre elles et s'écoutent en faisant des sons de cliquement. On les entend pas. Ahoy! Ahoy! Les humains ensemble, si on les mettait tous ensemble, pèseraient 287 millions de livres. De tonnes, pardon, excuse-moi, 297 millions de tonnes, mais beaucoup plus gros, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça me ferait sentir moins... On sent moins... moins bedonnant. Bifi. Ou environ 5400 Titanic, l'équivalent de 5400 Titanic, si tout le monde t'aimait ensemble. Tout le monde serait dans l'eau. Oui. On parlait d'hamburger tantôt. McDonald's, c'est le plus grand vendeur de jouets pour enfants, plus grand distributeur de jouets pour enfants. Au-dessus de 1,5 milliard de jouets dans des joyeux festins sont envoyés à chaque année au restaurant McDonald's. Et la même quantité est jetée une semaine après. Tellement ou perdu. Oui, à l'extérieur dehors. Presque la moitié de la population du monde en moins de, 25 ans. Presque la moitié. C'est beaucoup. La plupart des hommes allemands s'assoient pour faire pipi et apprennent que se lever debout pour faire pipi, c'est pas hygiénique. Hein? Toi, t'es-tu plus du genre à faire pipi assis? Ou non, non. J'espère que ceux qui s'assoient pour faire pipi vont garder ça pour eux autres. OK. Non. au Japon, on a ce qu'on appelle le Happy Monday System. C'est une fête publique. Dans le fond, on prend les fêtes publiques, les fêtes qui sont dans le fond dans le milieu de la semaine, comme mettons, je sais pas, cette année, je pense que c'est bien tombé. C'est tombé un lundi, le 1er juillet et le 24 juin. Oui. C'est des lundis, ça donnait bien, ça faisait une fête semaine de 3 jours. Si une fête tombe un autre jour, on la déménage au Japon, on la déménage au lundi pour créer des fêtes semaines de 3 jours le plus souvent possible quand il y a une fête, pour remettre les gens, tu sais, de bonne humeur. Ben oui. Avoir un congé de 3 jours, tu peux récupérer. Mm-hmm. On devrait s'inspirer de ça. Oui, mais ça pourrait être aussi le vendredi. Aussi, encore mieux, je pense. Ouais, c'est ça. Mais je sais pas si la semaine passe plus vite quand la semaine commence le mardi. Je pense que peut-être. Oui. Mentalement, je pense. Je pense que ça serait mieux. Puis il faut surtout éviter les jeudis. Parce que les jeudis, après ça, c'est sûr que personne rentre le vendredi. Exact. Mais le 4 juillet aux États-Unis, c'était un jeudi cette année. Il y a plein de gens qui ont pris congé vendredi. Là. Ça fait une semaine de 4 jours, mais c'est pas très bon pour les compagnies. Bref, le Happy Monday System, on devrait s'en inspirer. São Paulo, au Brésil, c'est la première ville sans publicité. Les publicités sur les bâtisses, les grands panneaux, là, les billboards, et les devants de magasins ne sont pas permis. Tu peux pas avoir de publicité. Oh. São Paulo au Brésil, on devrait tous déménager. Les 250 000 porcs sur tes pieds. Tu as des porcs sur tes pieds. Ça sécrète presque un quart de tasse de sueur à chaque jour. Tes pieds. 250 000 porcs sur tes pieds. C'est pour ça qu'on est si bien en gougoun. Tellement. C'est pour ça que j'ai les pieds trempés. Bon, c'est pas vrai du tout. Le thé le plus cher du monde est fabriqué à partir de défécation de panda et se vend pour 35 000 $ la livre. Tu sais, ça fait cher la poche. Ça fait cher pour la poche. Après ça, si tu veux, tu peux prendre ta sueur de pied, la faire bouillir et goûter à ton thé de caca de panda. Oui. C'est merveilleux. Dans l'espace. Ne pas aimer le brocoli, c'est génétique. Ah. Intéressant. La dépersonnalisation, c'est une condition où la personne qui en souffre se sent détachée de la vraie vie et pense que sa vie est un film ou un rêve. Ça doit être triste, comme le Truman Show. Oui, exactement ce que je m'en allais dire. La viande d'humain. Sans... goûte et a l'air de du veau. Ah! Ouais, pas du poulet. J'aurais pensé, ça goûte le poulet, mais non. Du veau. Tellement même qu'une personne, si il essayait à côté du veau, pourrait pas différencier entre les deux. Ben! Fait que maintenant, tu vas pouvoir appeler... Essayons-le! Test! Ben oui! Tu vas pouvoir appeler ta copine, ma petite Volette? Volette! Oui. Volette! Voliente! Voliente! Voilà! je pense qu'on devrait finir bientôt. Là. Aussitôt qu'il y en a un que tu me dis que ça finirait bien la chronique, tu me diras. Tu sais, on va finir là. Environ 6% des femmes et 5,5% des hommes sont des acheteurs compulsifs. Des magasineurs compulsifs. Possible. Les petits ascenseurs, les genres d'escaliers roulants dans les centres d'achat sont placés stratégiquement pour forcer les gens qui magasinent à passer devant autant de magasins que possible. Mm-hmm. Mm, ça, je souvent, tu le remarques. Mettons, tu montes un magasin qui a 6 étages. Tu montes le premier étage. Après ça, il faut que tu fasses le tour pour monter l'autre étage. Puis après ça, il faut que tu fasses le tour. Il aurait pu être un à côté de l'autre. Ben oui, mais non. Ah, c'est fort, c'est très fort. Dans le pays qu'on appelle l'Albanie, si tu hoches de la tête... de haut en bas, comme ça. Ça veut dire non. Et si tu fais gauche à droite, c'est malin, ça veut dire ça. Oui. C'est un peu mêlant, le monde à l'envers. Viens. Ouais. C'est pas la fin. L'alcool n'est pas digéré, mais est absorbé directement dans le sang. C'est une quickie, ça. Je m'en doute un petit peu. Ouais. Le plus petit parc au monde s'appelle Millens Park à Portland, en Oregon. Et il fait moins de 2 pieds de diagonale de longueur. C'est un parc? C'est un mini-parc. Il y a un arbre? J'imagine. Des chutes d'eau. Du gazon, ça compte. Ouais. Comment t'as dit? Il y a une belle chute d'eau. Ouais. Et un chat. Oui. Qui te regarde, qui fait comme, qu'est-ce que tu fais ici? Un lampadaire puis un itinéraire. Et voilà. Mets tout ça dans deux pieds. C'est génial. ton estomac doit produire une nouvelle couche de mucus à chaque 2 semaines. Sinon, il se digérerait lui-même. Oh! Hein? Mm-hmm. Statistiquement, tu pourrais toi-même conduire et faire voler un avion à chaque jour pendant 123 000 ans avant d'avoir un accident fatal si on regarde les chances que ça arrive. 123 000 ans à tous les jours. Tu n'aurais jamais d'accident. 123 000e jour, tu arriverais. Boum, boum. Mm-hmm. C'est ça. Les perroquets sont aussi intelligents qu'un enfant de 3 ans. Ah! Tu sais, pas pire, ça. Ouais. Qu'est-ce que tu fais à 3 ans? Tu répètes. Ouais. Oui. Tu, tu marches. Tu commences à colorier, comme un perroquet se colorier. C'est vrai. Tu voles. C'est ça, oui. Moi, quand j'avais 3 ans, j'étais là. Tu manges des... Ah non. tu manges des crottes de nez. Oui. C'est sûr, c'est ce qu'on voulait dire. Oui. Tu fais caca par terre. T'es dans une cage. On ne veut pas voir toi. Mais non, pauvre enfant. À la maison. Pauvre enfant. Le popsicle a été inventé en 1905 par un garçon de 11 ans. Donc, il avait passé l'étape du perroquet. Du perroquet. Et puis, il a laissé un bâton dans sa canette de liqueur. C'est un bâton pour, j'imagine, une paille. Ou, ils disent un stirring stick, un bâton pour brasser, bref, à l'extérieur. Et puis, ça a gelé. Ça a fait un popsicle. Un popsicle. Bravo. Le plus haut manège du monde est King Daka au Six Flags Great Adventure, une station sœur de la ronde. Oui. au New Jersey, 456 pieds de hauteur. Le King Daka. Faut pas avoir peur, hein? C'est pas pour moi ça, je suis déjà vert juste à y penser. On estime que 83 millions de comptes Facebook et 45 millions de comptes Twitter sont soit faux, soit du spam ou sont des duplicates, ce genre des comptes pas vrai. Doublons, là, si on veut. Genre, moi, je fais semblant que je suis Mathieu Plante. Genre. Puis là, je peux dire des choses aux gens, comme oui. Ou tu sais, je suis Mathieu Plante, mais j'ai Mathieu Plante, j'ai Assemblage requis, j'ai le Mathieu Plante Show, j'ai... Mais ça, c'est pas des duplicats, ça. Je sais pas, c'est ben, pas je pense pas que ce soit considéré, non. Si c'est plus comme, mettons, je pense Madonna, qui doit avoir genre 40 000 comptes Facebook, mais il y en a un qui c'est vraiment elle. Mm. Ça, ça doit être dans les... Ça va être marqué les official. Fake. Ouais, c'est ça. Fake, ça doit être ça. Spam, c'est ceux qui envoient des messages par rapport, là, c'est genre des belles filles, puis qui veulent être amies avec toi. Duplicates, moi, je pense que ce serait genre, mettons, t'as Madonna, mais t'as aussi Madonna compte personnel, tu sais, peut-être. Ah, peut-être. Je sais pas. Faudrait demander. Ah, bon. Merci. J'appelle. OK. On écoute. Nope. Allô? Allô? Alors, en tout cas, c'est vraiment un gag pour la radio, ça. Hi, this is Madonna, and you're listening to CFOU, 89.1 FM. OK. La pocrescophobie. Qu'est-ce que la pocrescophobie? Ah, c'est tout à l'heure. Oui, je la trouvais excellente. Je vais noter l'heure, OK? Pas crescophobie. Pas du cresco. C'est quand tu sors de l'huile de canola et non pas du cresco. Est-ce que ça a lien procrastination? Non. Ouais. Faire pareil? Non. Rien faire? Non. Je sais pas. Mais en fait, rien faire, t'es proche. Ah, oui. C'est la peur de prendre du poids. Ah, tu vois, je le savais. Ben, c'est ça. Quand tu restes assis à rien faire, c'est... Mais t'as peur de prendre du poids, c'est triste. Oui, c'est un peu triste. En fait, tout ça, c'est triste. Dès que ça finit par phobie, c'est triste. Tout est triste. Tout hein? est triste. Tu veux pas que j'arrête ma chronique? Non. je me demande jusqu'où tu vas aller. Il m'en reste une bonne 15-20 ans, si tu veux. Wow! Comme ça, je pourrais me débarrasser puis recommencer à zéro la semaine prochaine. Parce que je l'ai pas fait la semaine passée. OK. Tu m'arrêtes quand tu veux quand même. Si tu portes une bague, le nombre de germes qui vivent en dessous de ton. Est-ce que tu veux savoir ça? Qui vivent en dessous de ta bague. C'est équivalent à la population, pas d'une ville, pas d'une région, pas d'une province, pas d'un pays, de l'Europe au complet. Ah! Un continent, l'Europe, wow. En dessous de juste ta bague. D'une petite bague. C'est dégueulasse. C'est bon. Parlant de choses dégueulasses, partagez pas votre mascara. Hein? Attention, partage pas ton mascara. Ben, la dernière fois que tu me l'as demandé, je l'ai dit, c'est non. Non, ben, tu l'as pris quand même, je te dis, garde-le. Oui. C'est ça. Donc, c'est la raison numéro un pour laquelle les gens se passent une infection de l'œil. C'est la raison numéro un des infections des yeux, c'est quand tu prêtes ton mascara à quelqu'un. Bon, ben, je vais le serrer. Voilà. Je vais le serrer aussi. Oui. Je vais le serrer. Il y a un manège, on parle de manège tantôt à Six Flags et tout, là, qui s'appelle Euthanasia. Est-ce que tu connais ce manège-là? Toi, t'es un homme de la ronde. Non. Tu connais pas ce manège. Euthanasia, tu le demanderas s'il y a de tes collègues qui connaissent ça. C'est un manège qui est fait pour tuer ses passagers. Pour bien finir ta vie. Hein? C'est sur une maison de personnes âgées. Ouais, ben en tout cas, c'est selon Internet. C'est vrai de vrai? C'est ce que ça dit. On va chercher. Peut-être que sur Wikipédia, il y a une page là-dessus. Le nom Matthew. Mathieu. Okay. Et ça, je ne le savais pas et je l'ai appris cette semaine et je vais sûrement changer de nom. Ça tombe mal que j'ai de commencer une nouvelle émission qui s'appelle Mathieu Plancho, je vais en parler plus tard. Yeah. Mathieu, c'est de l'hébreu pour « don de Dieu oh! ». Ah! Don de Dieu, Plancho! Don de Dieu. Oh oui, c'est don de Dieu, Plancho. C'est pour ça, à chaque fois que tu fais une blague, je suis toujours là comme « ah, don de Dieu, ah! Arrête! » Sacre bleu! Bill Clinton était le premier président américain à avoir fait un chat sur Internet en 1999. Ah, avec qui? Monica Lewinsky et ses autres son harem. Contrairement à la croyance populaire, les rats n'aiment pas le fromage. En fait, ils sont intolérants au lactose. Oh. Je sais pas si c'est ça qui les tue, mais en tout cas, ça me tue quasiment à chaque fin de semaine. Maudite merde. 30% des propriétaires de téléphones intelligents n'ont jamais téléchargé une application. Combien? 30%, presque le tiers. Ben là... Genre, mais ça, c'est des personnes... Tu sais, un téléphone intelligent, pour commencer, il faut le différencier d'un feature phone, là, un téléphone qui est pas intelligent, donc qui fait juste dire l'heure, puis prendre tes messages. Puis avoir un petit jeu bêta. Genre, là, non, un téléphone intelligent, c'est des applications, c'est... tes emails. Oui, tes emails, envoyer des photos, peut-être, des trucs comme ça. Bon, donc 30% des gens, là-dedans, ça peut être quelqu'un qui a pris un iPhone à 0$ chez, tu sais, peu importe la compagnie, tu sais. Donc, des gens qui connaissent pas ça et qui savent même pas c'est quoi un App Store. Ouais, peut-être. C'est bizarre, parce que je veux dire, une fois que tu te branches dans ton ordi, que iTunes est là, tu le vois, c'est écrit, il y a un petit sac à côté pour aller magasiner. Ben oui. Mais bon. Puis il y en a plein des gratuites. Il y en a plein des gratuites. Colin, c'est, en tout cas, mais bon, c'est votre problème. 30% à un tiers, vous ne profitez pas de votre investissement parce que ça vous coûte cher par mois. Par même mois s'il pour coûte ça. 0$ au début, c'est quand même métallé. Voilà. Oui. À chaque mois, tu payes un bon 20$. Mais bon. La compagnie de crème glacée, Baskin-Robbins, tantôt, on parlait de... Baskin-Robbins? C'est-tu Baskin-Robbins? Non, c'est Jerry, Ben & Jerry's, tantôt, oui. Je pense. C'est l'eau à la barbe à papa. Oui. Donc, Baskin-Robbins, compétiteurs, ils ont déjà fait de la crème glacée sur le ketchup. Oh! Ça va, là, pas sûr, hein? Des chips au ketchup, ça va. Les Américains sont vraiment impressionnés à chaque fois qu'ils voient un sac de chips au ketchup. Ils voient pas ça, eux. Non. Je vois pas ça. Nous autres, si on allait là-bas et qu'il y avait une crème glacée au ketchup, on y retournerait jamais. Voilà. Mais je vois pas dans la... Ben, tu sais, mettons, on prend... un cornet de crème glacée. Là. Ouais. Mais pas sucré. OK. Puis là, tu trempes ça dans ta crème glacée au ketchup. Ça pourrait être bon, j'avoue. Ouais. C'est comme une chip rafraîchissante. Aussi, mettons, tu trempes tes frites dans la crème glacée au ketchup. Non? Peut-être. Parce que, tu sais, mettons, le chocolat à saveur de... surgelé. Oui. C'est pas des cornets avec. Le bâton, c'est ta frite. Oh, miau, miau. Oh, miau. Non, j'allais dire... qu'est-ce que j'allais dire, en fait? On parlait de ketchup. Ketchup, crème glacée, frites, je sais plus. Mais bref. Je m'excuse. Ça a l'air bon, c'est pas grave. Bref. Ça t'en viendra. Sûrement pas. La clinomanie. Qu'est-ce que c'est la clinomanie? Tu veux que tout soit propre, tout clean, speak and span. Tout clean. Monsieur Nett, c'est le désir excessif de rester au lit toute la journée. Clinomanie. Intéressant. Comme un chat. Oui. Ça veut dire une chatomanie. Ça, ce serait complètement d'autre chose, la chatomanie. Ouais. Ben, ça peut avoir un effet au lit. Oui, oui. Exactement. Si tu te sens fatigué après avoir dormi une grosse nuit de sommeil, tu sais, une bonne nuit normale de sommeil, c'est probablement que tu es déshydraté. Donc, bois un peu d'eau après le réveil. Mmh. Après le dodo, un petit peu d'eau. Oh oui! Après le popo, un petit peu d'eau. Oh, Seigneur, les journées sont dures. Wow. Hein? C'est, oui. 8% des athlètes olympiques font de l'asthme. Oui. Oui. Bon. Un oiseau doit manger au moins la moitié de son propre poids à chaque jour pour survivre. Imagine. C'est comme si je mangeais 16, 60, 75. Bon, parce que ça, c'est en tout cas. C'est la aiguille qui monte. Oh mon Dieu, je pense que j'ai pas de balance à mes. En fait, je devrais peut-être. Oh, peut-être. 16% des travailleurs admettent avoir fermé la porte d'un ascenseur par exprès pour pas croiser une personne qui va y arriver. T'sais. Ah ouais? Pas nécessairement quelqu'un que tu connais, mais juste parce que tu veux pas avoir quelqu'un dans l'ascenseur avec toi, tu payes sur le bouton. Ah ouais, tu viens de péter, puis là, t'es comme. Et maudit! Il faudrait pas que quelqu'un, là, tu pensais qu'il allait avoir personne. De quoi t'aurais l'air? Ça prend des millions d'années pour une bouteille de verre à se défaire complètement dans un site d'enfouissement sanitaire. Mm-hmm. 1 million! D'année. Donc, au recyclage, s'il vous plaît. Hein? Je pense que j'ai mis un pot de cornichon vide dans la poubelle. Oh! Ouais. À boire ça. Tu me dégoûtes, Mathieu. 1 million. Don de Dieu. Est-ce que c'est comme casser un miroir? Don de Dieu. Merci. Est-ce que c'est comme casser un miroir? Genre, 7 ans de malheur, mais là, ça va être 1 million de malheur. Ouais. Chanter dans une chorale, c'est bon pour ton cœur. Parce que les membres de la chorale, en fait, quand ils chantent tout le temps pareil, c'est que leur battement de cœur va se synchroniser et leur pulsation, leur pouls, va monter et descendre ensemble. C'est vraiment ça. C'est comme un lien privilégié. Fait que là, quand on chante tout le monde au karaoké, la même affaire, c'est bon. C'est ça. C'est bon pour vous autres, pas pour ceux qui regardent. La gravité sur Mars est 38% celle de la Terre. Donc, si tu pesais 150 livres ici... Si seulement... tu pèserais seulement 57 livres sur Mars. Wow! Tu serais presque pas là. Presque pas là. Un autre de mes rêves exaucés, pas être là. Jusqu'aux deux tiers des travailleurs vont sauter par-dessus leur dîner. ils dînent pas. Ou encore, vont manger à leur bureau, donc physiquement à leur bureau de travail, ils vont manger là. Donc jusqu'aux deux tiers déjà font l'un ou l'autre. C'est pas une bonne chose. Faut sortir de l'environnement de travail un petit peu pour se déstresser. Dis les deux personnes qui ont mangé dans leur bureau ce midi. Tantôt, chacun de leur bar. Oui, en plus. C'est à peu près ça. Sans se parler. Et Colin, mais moi, pas, tantôt, j'ai sauté par-dessus mon dîner. Là, j'ai mis par terre, j'ai fait hop! Ouais. Ouf. Ouf. Ouais, les gags, ça se voit aujourd'hui. Hein? Ça vole. Ou ça peut. Oui. OK. Au début de sa vie. Non, en fait, pas au début de sa vie, mais au début de sa carrière. Picasso. Ouais, ça, le nom me dit vaguement quelque chose. Dans Pokémon, ça, là, oui. Picasso. Picasso, I chose you. Donc, Picasso se gardait au chaud en faisant brûler certaines de ses peintures. Mm-hmm. Donc, il y a plein de ses peintures. Ouais, j'avais entendu ça. Oui, c'est triste. Moi, je pensais que c'est plutôt... tu sais, mettons, tu vas dans un bar à Toronto, là. C'est comme, moi, je vous prendrais un seau de bière. Puis, un seau de quoi? Puis, il est comme, non, ben prends-le toi-même. Fait que le Picasso... Choisis-le toi-même. T'es vraiment bilingual, tu sais. Picasso. Picasso. Pikachu. Je le note, là. Je sais même pas comment c'est écrit Pikachu. Ouais, comme ça se prononce. Sûrement. Une étude nous apprend que l'heure précise dans la semaine, on est le plus heureux. OK? Est-ce que tu veux deviner quand est-ce que t'es le plus heureux? Quand t'es le plus heureux, moi, je dis que c'est vers la fin de la journée de travail. OK, oui. Fait que dis-moi si je suis dans le bon laps. Là. Mettons, t'es dans le bon laps. Ouais. Entre 3 puis 6. Oh, non, par contre. Non. Non? Oh, non. Plus tard. Ouais. Donc, en 6 et 9. Oui, en 6 et 9, c'est bon. Quel jour? Le jeudi. Non, tu travailles le lendemain, voyons donc. Oh, ben, c'est le jour de paye. Ah, il y a ça. Donc, ça va être le vendredi? Non. Non? Non? Non! C'est le samedi à 19h26. Ah ouais, 19h26. Okay. En fait, ils ont évidemment fait la moyenne d'un sondage. Et j'imagine que c'est parce que le vendredi soir, tu reviens de travailler, mais t'es pas encore complètement relaxé, non, t'as pas encore ça. Bien dormi. Peut-être que le lendemain matin. Non, parce que tu te réveilles à la même heure que le travail, puis tu t'es levé à la même heure 5 jours seulement. Donc, samedi soir, t'es complètement décroché, et le dimanche arrive, tu recommences à travailler, tu stresses. Voilà. Et mon c'est 19h26, mais écoute, je me mets une alarme. Oui! 5 minutes avant, pour te préparer mentalement. Oui, je vais mettre sois heureux. 19h26. Don't worry. Une personne qui est perdue ou qui crève de faim peut manger du cuir et obtenir assez de choses nutritives pour durer une courte période de temps. Ah, ben je vais pouvoir manger mes bobettes. Ouais, du cuir. Oh, ça me fait non. toujours rire, ce gag-là. Ça doit tellement être chaud. Incroyable. La langue anglaise contient le plus de mots. Si on regarde toutes les langues, c'est celle qui a le plus de mots. On inclut 455 000 mots actifs, donc qui sont encore utilisés, et 700 000 mots qui sont morts ou retirés de la langue, qui ne sont plus utilisés. Mm-hmm. Et finalement, oui, on l'a fait, la chronique sans fin. Une seule once de LSD est assez pour mettre 300 000 personnes high. Ah, tu vois, je suis content qu'on finisse avec ça. Tu sais, ça finit bien, 300 000 personnes, une seule once de LSD. Come on, dis-lui pas ça, là. Ça va gâcher le plaisir. Si tu prends toi-même l'once au complet, tu meurs, mère. Une once? Je sais pas. Faudrait faire le test. Okay. On cherche... Genre... Un cobaye. Oui, un cobaye. David Ferron. Donc voilà, pour cet effet, je vous rappelle de retrouver les liens de ceux qu'on utilise, nos faits qu'on utilise oui. sur assemblagerequis.com, OK? Assemblagerequis.com, les notes de l'émission d'aujourd'hui. Et ceux qu'on n'utilise pas, et tout ça au complet, sans aucun filtre. Croyez-moi ou non, il y avait un filtre dans ce que j'ai fait là. C'est l'équivalent de deux semaines de cet effet qu'on a fait là. Mais quand même, c'est impressionnant. Je suis fier de nous. Oui, moi aussi. On part à neuf. Faut bien pouvoir l'inviter pour être capable de faire toute cette chronique-là oui. de succès. Puis tu sais, c'est le fun. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Moi aussi. Je m'en sors heureux. Je change la statistique. Moi, c'est les jours d'assemblage requis que je suis heureux. Ah, t'es fin. Voilà. Donc, à 15h02-03, le dépendamment jeudi, du jour. Ouais. Dépendamment si David défonce. Ouais. Là, je me suis noté Picasso, Pikachu. Est-ce que t'en avais d'autres à noter aussi? On va se rassembler ça pour la fin de l'émission. Oui, j'ai juste noté l'heure, par exemple. Ben, ça va bien. Hein? Oui, je sais pas quoi faire. T'as quelle heure? 14h52. 14h07. Je voulais pas le retrouver avant la fin de l'émission. Ben, je sais. Voilà. De toute façon, on aura plein d'autres. Hein. Bon, oui. Donc voilà, et twitter.com/assemblage, c'est fou. La liste, c'est un fait. Pour le reste, c'était la fin de la phrase que je disais tantôt. Jean-Philippe, tu nous quittes un petit peu? Oui, je vous quitte, mais pour mieux revenir. Tu vas revenir d'ici la fin de l'émission? Oui, certainement. Cool. Et Stéphanie va aussi nous rejoindre plus tard. Donc pour l'instant, on va passer un petit peu de temps, vous et moi, à écouter surtout de la musique. Là, je veux pas parler tout seul trop longtemps. Donc on va faire ça tantôt. Donc Jean-Philippe, à tout à l'heure. À tout de suite. Plus tard, on va aussi entendre les nouvelles entrées de Chantal Chambaud, Rouge Pompier. Et on fait pas des nouvelles entrées, des pièces de. Ben, en fait, c'est vieux, ça, on va sauter par le sommet, hein? Alors, regarde, la musique, tantôt, on s'en fout. Hey, décideront tantôt. Hey, hein? Décideront. Décideront. Décideront. Décideront tantôt. C'est quand la vie te donne des citrons, fais de la. Dieu du ciel. Dieu du ciel. Don de Dieu. Don de Dieu. Ciel.

Voici la chanson thème de la chronique Phénomène avec Simon Fitzbé. Thank you. C'était la très épique chanson d'ouverture de la chronique Phénomène de Simon Fitzbé, chronique qu'il ne fait plus en ce moment, mais qu'il a arrêté, je crois, il y a quelques mois, sinon un petit moins d'un an, il me semble, environ. Donc, Phénomène, très bonne chronique et très bonne chanson. C'était The Ultimate Doctor Who Title Mix 1963-2007 de l'artiste Reverse de Polarity, une vidéo qui mélange les chansons thèmes, les génériques d'ouverture officielle de Doctor Who et quelques versions non officielles. Et dans la version vidéo, que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com, il y a un petit montage vidéo de toutes les faces de chaque docteur de la série culte Doctor Who. Donc voilà, c'était la chronique Phénomène qui était représentée cette semaine dans Les Paroles des Autres, la chronique où on joue la chanson thème de quelqu'un au complet. Des fois c'est les miennes, des fois c'est les autres. J'y vais à tour de rôle. Puis je pense que ça va être à mon tour la semaine prochaine, faut croire. Donc voilà pour Les Paroles des Autres. On continue en musique maintenant, toujours dans le palmarès francophone. On est rendu à la position numéro 12. Voici La Femme sur la planche 2013. 89 FM, c'est fou. Et cet assemblage requis à la plage. Blou, blou, blou. Peux-tu me dire toujours tout détruire. Créerait à Baywatch, Colin. Toujours à son âge requis à la plage. Et Justine Renaud vient d'arriver avec moi en studio. Ça va? Ouais, ça va très bien. Oui, très bien. On te voit courir au ralenti, là, comme dans l'Alerte à Malibu. Exactement, avec un One Piece qui ne flatte pas pantoute mes courbes. Non, tes courbes? Ben, vers l'intérieur. Courbes, peut-être. OK, ouais, c'est ça. Ça prend des bonnes courbes pour pouvoir porter fièrement un One Piece. Exact. C'est ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Donc, ta chronique Justine Procrastine s'en vient dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu vas nous présenter? Je vais vous présenter un groupe qu'on ne connaît pas beaucoup et qui, d'ailleurs, n'est pas ben vieux. Donc, c'est un peu un nouveau groupe des dernières deux années. Mais une chanson me tient particulièrement à cœur et je vais vous en faire part. Je laisse le suspense. Ouh! Trois petits points de suspension. Trois petits points de suspension. Suspension. Je pense qu'il faut qu'il y ait au garage, ces trois petits points-là. C'est le galloper. Je veux pas, le galloper, c'est le galloper. Je pense qu'il faut que le galloper. Donc, on fait ça dans quelques minutes. Pour l'instant, on écoute une très longue pièce de la formation. Les Indiens, c'est en position numéro 10. Ça monte de 9 places. C'était nouveau la semaine passée, donc on se casse pas la tête. On monte la moitié du palmarès et se casse pas la tête. C'est comme une référence à la petite, au titre de la pièce qui s'appelle Crown. Pas la maladie de Crown. Pas pareil. Oh. 9. Yeah. Habille-toi. C'est quoi habille-toi? C'est quoi ça? Tes écouteurs sont ton habit maintenant. Ah, oh, c'est ça. J'étais nue des oreilles. Non, ben quand même. Ça tombe bien parce que c'était de la musique parfaite pour ça, on vient d'entendre. C'était Move avec Giovanni Cabotti qui monte de 9 places en 9e francophone. Avant ça, c'était les Indiens et Crâne qui montent de 9 places. Plus tard dans l'émission, il y aura Forêt. Mais avant ça, c'est le moment d'accueillir Justine pour vrai. Pour vrai. On l'a surmis pendant Je remets toujours 15 minutes. Au lendemain moi-même. Ben, je me remets. Tu te remets de ton... Remets-toi bien. Okay. Je pensais que tu parlais de ton mal d'estomac encore. Ah non, mais ça vient par vague. Hein. Comment ça va bien? Ça va bien pour une plage d'y aller par vague. C'est cool. Oh. Ça fait ensemble. Donc voici Justine Procrastine. All this talk, all this ticking, all this shit talk, kicking in my head, I'm standing in bed today. And it doesn't matter what they have to say to me. Or do not care just what they have to say to me. Bum, bum, bum, bum, bum, ba-da-dum, bum, bum, bum, bum, bum. Ah, je l'aime, mon intro. Ben oui. Caroline Devine, je suis contente de te voir. Tu es seule en studio, t'es le petit garçon. T'es fait de me tenir compagnie parce que oui, je suis comme un petit gars sans défense en ce moment. Je sais pas quoi faire. T'avais la porte ouverte en plus. J'avais l'impression que t'appelais les gens. Venez, venez. Oui, venez vers moi. Venez me sauver, s'il vous plaît. Mais les deux autres vont venir plus tard. Jean-Philippe dans peut-être une demi-heure environ. Stéphanie dans une heure environ. Mm-hmm, c'est des gens occupés. Eh oui, ben c'est comme ça. Il y a juste moi qui est là tout le temps en permanence. Ouais, mais tu fais bien ta job. Une chance que t'es là. Ah, merci. Donc, Justine, on t'accueille pour ta chronique Justine Procrastine et tu nous présentes toutes les semaines un artiste de ta discothèque iTunes, je pense. Ma discothèque iTunes qui me permet de si bien procrastiner. Ah, je voulais aussi te dire aussi. Tous les groupes que je vous présente le matin, lorsque je me réveille, c'est tellement parfait, mais parfait pour se lever du bon pied. Okay. Alors, je vous suggère que les groupes que je vous présente, d'écouter ça lorsque vous vous réveillez vraiment, vraiment fort. Faites vraiment rager là, vos voisins. Vous allez voir, ça marche. C'est super. Vous allez avoir le sourire fendu jusqu'aux oreilles toute la journée. Mais c'est pas ça un petit peu comme méchant pour, mettons, une grande personne de public qui est amputée, qui lui manque un pied? Ou qui n'ont pas de pied du tout. Je suis désolée. Pour les personnes qui ont malheureusement des prothèses de pied, prothèses plantaires. Ouais. Plantaires, OK. Puis qui, eux autres, l'expression se lever du bon, du mauvais pied ou du pied gauche, du pied droit, je suis désolée. Ça peut être la bonne fesse, ça peut être la bonne main. Écoute, moi, des fois, je débarque du lit en me faisant une flaque. Là, je fais une flaque. Je veux dire, je descends comme une flaque. Comme un poisson. Un peu. Ouais. Ben, je sais pas, juste comme... Ça fait ce bruit-là, en plus. Direct dans le poêle avec un petit peu de beurre. Tu te lèves très vite. Oh, mon Dieu, qu'on Donc, procrastine avant de présenter le band que j'écoutais cette semaine un peu en procrastinant, comme d'habitude. Et c'est le groupe Citizens! Et pourquoi je crie? C'est parce qu'on m'a toujours dit, les profs de linguistique ils me disent tout le temps, respecte la ponctuation. Eh bien, Citizens comporte un point d'exclamation. Oh, ça avait été Citizens pour l'interrogation, t'aurais fait Citizens? Citizens? Là, c'est Citizens! Ouais, là, c'est Citizens! Là, je le dis loin, là, pour pas vous péter les oreilles. Ouais. L'aiguille dans le plancher, je sais pas. Y a-t-il des aiguilles? Il y a des aiguilles. Il y a juste moi qui vois les aiguilles, par contre, malheureusement. C'est correct. Les gens à la place à la maison entendent un genre de grichement. Non, t'es pas jaloux? Non. Tu veux que je te montre mon aiguille? Non, s'il te plaît. T'es tombé un aiguille. Hein. Ouais. En tout cas, Citizens, qui est un groupe pop-rock. Pas rock-pop, ça se dit mal à rock-pop. C'est pop-rock, anglais. Pop-rock. Originaire de Londres. Un groupe qui est encore à ses débuts et qui s'était formé en 2010 lorsque les membres fondateurs, Tom Burke à la voix, Mike Evans aux percussions, Lawrence au clavier, se sont ramassés à écouter de la musique à un party plutôt sans saveur. Ah, on bon. Trouvait le party plate, on s'est dit ça on va pas. Écouter de la musique, ça levait pas. Ça levait pas. Quand, du bon pied. Non, c'est ou ça. Fesses ou mains. Ou peu importe la partie du corps qui touche à terre quand vous vous levez. C'est ça. Alors, ils ont commencé à s'imaginer faire de la musique pop imaginative et tranquillement pas vite, ça a formé une espèce de groupe avec des aspirations musicales. Et d'ailleurs, un de leurs dictons est « Pop is not a dirty word, it's a holy one ». Ce qui veut dire que le pop n'est pas un mauvais mot, c'est un mot... Sacré, si on veut. Non, mais pas sacré, mais plus comme vraiment là, comme « holy ». Ben, c'est pas mal sacré, là, sacré. Mais mettons... Non, mais genre positif. Important, genre, c'est un... C'est pour moi, positif, c'est beau. Hein? Saint. Saint. Saint. C'est un comme saint. Le Saint Graal. Eux autres, leur it's Saint Graal, word. C'est pop. Oui. Pop. Oh, hey, Colin, hey! Je suis capable de bruiter de la bouche. Incroyable. Je suis capable d'y mettre... Avec les dents, en plus. Non. J'en ah oui, oui. Ben, les dents ben, aussi. En tout cas, je suis capable d'imiter Venus Williams puis Serena Williams quand elles jouent au tennis. Oh, wow, quand même, c'est sexy. En gros, ça ressemble à ça, là, fait que bon. Ça pour dire que Citizens, le groupe dont je parle depuis à peu près deux minutes, puis pendant une minute, j'ai parlé d'autre chose, c'est plus tard approprié Tom Rhodes qui occupe le poste de guitariste. Je sais pas si je peux dire un poste. C'est comme des jobs? Non, en tout cas. Et finalement... c'est le numéro guitare. Ils se sont nommés Citizens, point d'exclamation, d'après la première page d'un journal de Gotham City dans une BD de Batman. Ah, okay. Mm-hmm. Oui, oui. Et selon eux, Citizens sonne comme un appel à se réunir, à prendre les armes, une affirmation. C'est comme Debout citoyen. C'est ça, ouais. C'est Debout, c'est crime, c'est Québec solidaire. Oui, ben ça ressemble à ça. Exactement. Et déjà tôt, en 2011, le groupe a signé avec Kitsune, une label française indépendante. Et ils ont sorti leur premier et unique album à ce jour, Here We Are, en mai 2012. Petit fait intéressant, Alex Kapranos de Franz Ferdinand a demandé à produire l'album après avoir entendu un démo précédemment. Alex décrit Citizens comme un très rare groupe qu'on voit par année qui compte. Hein, parce qu'il y a beaucoup de groupes qui naissent dans leur... Ça va, Mathieu? Tu me fais des signes. Je te pointe ma clé USB qui est dans ton ordinateur en ce moment. Et dont je vais avoir besoin pour jouer la chanson. Ben oui, c'est ça. Je vais pas t'interrompre, c'est pour ça que je te fais des signes. Ah non, tu fais ça bien. Attrape. Oh, elle a failli atterrir dans mon chandail, mais je l'ai attrapé. Désolée pour ça, mais c'est ça. Fait qu'Alex, il pense qu'il y a seulement quelques albums, quelques groupes par année qui comptent. Et selon lui, Citizens en fait partie. Et Citizens a d'ailleurs été nommé par NME comme l'un des 20 bands les plus excitants de 2012. Excitant en quel sens, je ne sais pas, mais vous allez l'entendre tout à l'heure avec la musique. Là, vous jugerez pour vous-même. Un de leurs singles de l'album, True Romance, est un des numéros 10 des 100 meilleurs chanson de 2012 selon les In Rocks. Fait que vraiment, okay. Ça fait quoi, 2-3 ans là, qu'ils sont en circulation, eux oui. autres. Ils sont vraiment... En ascension. En ascension. Comme on le voit ici, là, tout le temps, les bands sont tout en train de monter de position, de baisser de position. Eux autres sont en train de prendre les échelles au jeu de serpents et échelles. Ah, ça, c'est ils cool. prennent les échelles. Ouais, voilà. Et si on peut les décrire, Citizens, ils sonnent un peu, bien entendu, comme Franz Ferdinand, étant donné celui qui a déteint sur eux autres, Alex, mais plus comme une espèce de hot chip meets Franz Ferdinand. Oh, wow, une espèce hein? de mix entre les deux. Bon. Mais leurs influences musicales comptent aussi David Bowie, Michael Jackson, Kanye West, Queen, Flaming Lips, etc. C'est un peu comme une espèce de glamour pop à la David Bowie, mais d'aujourd'hui. Bref, sans plus tarder, j'ai fini de décrire un petit peu, là, puis maintenant que Mathieu a récupéré sa fameuse clé USB... Ça va tellement bien. Ça va tellement bien. D'habitude, j'oublie jamais, mais là, en fait, sa clé USB est tout petite, puis elle est vraiment belle. Mais fait ça. Que je m'en suis comme pas rendu compte. Elle est de la même couleur que mon ordi. Elle s'est confondue. Mais on va aller écouter True Romance, excellente chanson de The Citizens. Here we are. True. Reptile du groupe CDZ avec un point d'exclamation. T'as pris quelqu'un par surprise en studio, je pense. CDZ! Je pense que t'as pris l'université au complet par surprise. Je suis désolée. Si ça s'est rendu jusqu'au bureau de la rectrice, je m'en excuse. Oh, tu l'as vu dans une revue de cuisine ou je sais pas quoi? Hein? Oui, mais ça date de super longtemps. Ah, okay. Fait que, donc, mes sources sont vieillottes. Ben, super longtemps, ça dit qu'elle est rectrice de QTA. Ça fait pas si longtemps que ça. Dans le magazine, ça dit rectrice de QTA. Oui. Me trompe-je? Non, elle est rectrice de l'UQTR, Nadia Ghazali. Oui, mais ça fait pas super longtemps, donc, l'article magazine. Non, ça fait depuis janvier 2012, mais... C'est ça, janvier 2012. Sauf que je pense que le magazine date de automne 2012, okay. Ou été 2012. Bref, c'est pas de... Il y a un an et demi, bon. Oui, c'est ça. Oui. Mm. En tout cas, elle fait du bon poulet. Félicitations. Mais c'est ça, Reptile, excellente chanson du groupe Citizens. Reptile qui veut dire reptile, parce que Mathieu me le demandait. Oui, c'était ma question. Je voulais te la poser en nom. Tu réponds avant même que je te la pose. T'es forte. Mais avant ça, on écoutait True Romance, qui est, d'après moi, une chanson absolument magnifique. J'ai d'ailleurs posté sur la page d'Assemblage Requis. Sur Facebook. Sur Facebook, oui. Oui, pas sur une page, c'est pas physique la page. Physical. En tout cas, j'ai posté. Let's get physical page. Physical page. J'ai posté le vidéoclip de la chanson qui est vraiment assez savoureux. C'est un paquet de monde qui se french pendant des scènes de catastrophes et de désastres. La démolition à grande échelle, des manifestations, des vols à l'étalage brutaux. Brutus, ça se dit pas, hein? Je vais demander à ma prof de français secondaire, Carole Mascotte, non? Brutaux? Non, c'est brutal qu'elle dit. OK. Brutal. Donc, vraiment un magnifique clip à aller voir et qui prône aussi l'amour entre tous parce qu'on voit des filles avec des filles, des gars avec des gars, certains avec la langue, des fois pas de langue. La bave. pogne toutes les fesses. Oui. Pogne toutes les fesses. Toute la bave, de peu importe qui vous êtes, c'est de la bave. C'est écoute, salive, pas salive, tout est salive. Cool. Hein? Fait que mariage pour tous. On peut, oui. belle morale, je sais. C'est la morale. Tout à fait. On disait donc, on peut s'échanger de la bave, mais on a appris plutôt dans l'émission de pas partager son mascara parce que tu pourrais avoir une infection aux yeux. C'est la raison numéro un d'avoir une infection aux yeux. On fait attention. Non, non, on partage pas le mascara, les filles commandent. Comment? Mettez de la bave dans les cils. Mais des fois, en fait, aujourd'hui, je vais vous conter quelque chose d'un peu bizarre. Moi, j'ai un chat, puis des fois, je reçois des poils de chat dans les yeux. Oui. La chose, c'est que vous savez que mettre un doigt dans l'œil, pas humecté, non, ça l'enlève pas, là. T'sais, si tu te mets un doigt sec dans l'œil, ça fait mal. Oui, bien, non, pour vrai, oui. Si on n'est pas près d'un robinet et qu'on n'a pas de l'eau, parce que moi, des fois, je me trempe l'eau dans le robinet et ensuite, je peux aller jouer dans mon œil. Trempe l'eau dans ton robinet. Je trempe mon doigt dans l'eau qui coule du robinet. L'image était belle, je trouvais. Aujourd'hui, ma langue fourche. Bref, quand j'ai pas d'eau pour humecter mon doigt, j'y vais avec ma salive. Je sais, je suis désolée de dire ça. Solution admirable. Je me lèche un petit peu le bout du doigt. Puis comment tu fais? OK, étape 1, mets ton doigt dans ta bouche. Numéro 2, mon petit doigt. Le petit doigt, parce que le pouce, on s'entend que c'est trop gros pour le. Des chances que tu te décolles quelque chose. OK. C'est ça. Wow! Il faudrait que je demande à mon médecin qu'est-ce que ça fait. Là, j'ai des enzymes de salive dans mes yeux. Ça peut-tu digérer mes yeux? Je sais pas. Je sais qu'on a une chronique de trucs et astuces plus tard dans l'émission et ça aurait bien fité. Je trouve que c'est dommage d'avoir comme volé le punch. Là. I stole the punch. The punchin. Punchin baggin. Packin bag. Merci, Justine. Pour Justine Procrastine, toutes les semaines, de plus en plus pertinente dans ses conseils. Ah, de plus en plus pertinente. Mais d'habitude, j'en donne pas de conseils. Mais là, écoutez pas ce conseil-là. Là. Je veux dire, je suis encore en patent pending. J'essaye. Brevet en attente. Ah, tout à l'heure, on l'a vu, patent pending. Quand j'étais petite, je pensais que c'était la patente qui pend. Pour vrai. C'est vrai. Mais des aubergines, je pensais que c'était des aubaines. Tu sais que c'était écrit aubaine, puis là, je voyais une aubergine. Je pensais que le nom du fruit. C'était l'aubaine. Ben, du fruit, c'est un légume, ça. C'est le nom du légume, que c'est une aubaine. Hmm. En tout cas, c'est ça. Quand j'étais petite, j'avais des troubles psychologiques. Psychologiques. Dyslexique un peu? Non. Juste stupide un peu. Juste lente. Pas grave, tu vas récupérer un jour, tu vas te rendre à l'âge. J'ai rebooté une couple de fois, puis depuis ce temps-là, ça va mieux. C'est ça. Installe Windows 7. Écran bleu. Donc, tu restes un peu avec nous? Of course! Parce qu'on a plein d'autres choses, d'autres très bonnes choses à faire. On a des invités spéciaux. Oh oui, ça va être le fun, on va avoir du plaisir. Mais pour l'instant, on continue avec de la musique qui est aussi plaisante. Hein? Encore davantage. Oui, moi, j'aime bien la musique. Oui, veux-tu faire une excursion en forêt? Oh oui! Mm-hmm. Voici le groupe Forêt et la 8e position francophone, c'est Repose-toi bien sur C'est fou. Dans vos oreilles. J'ai traversé le ciel sans dormir. J'attends ton sourire. Je te salue de la main tendue vers le ciel. Je regarde la lampe C'était Forêt et repose-toi bien en 8e position. J'espère que vous l'avez fait parce que quand une chanson vous dit de faire quelque chose, hein, faut suivre, sinon on n'a pas le droit d'écouter la prochaine heure. Bon. Dans ta chambre, Jean-Philippe. Hey, je suis même pas revenu. Ben oui, mais tu m'écoutais pas, t'étais parti depuis genre une heure. Je me reposais. C'est ça. T'as suivi l'instruction. Ah, mais dans le fond, ça marche. Ouais, c'est cool. Mais, okay. Mais je suis quelqu'un qui va de l'avant. T'sais, je l'ai fait avant qu'ils me le disent. Proactif. Mm-hmm. Proactif. Mm-hmm. Donc, dans quelques minutes, on reviendra pour une autre heure d'assemblage requis à la plage, toujours avec JP et Mathieu. Justice va être là aussi. Et des invités spéciaux s'en viennent. Oui, monsieur. Monsieur, quand même. Oui, monsieur. Je ne pensais pas si bien élevé. Ah. Laisse là. Autrement. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Vous êtes toujours à Sans la Jockey à la plage. Il est Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Stéphanie Paradis revient dans quelques minutes. Là, c'est vrai, par contre, c'est dans 45-50 minutes environ. Parce qu'il y a deux heures, t'as menti. C'est vrai, mais je suis le même, moi. Les premiers coups, je mens, mais après ça, tu me le redemandes, puis finalement, je finis par dire la vraie affaire. Oui. On se rend au même but. C'est vrai. C'est juste un peu plus long. Voilà. On attend encore pour une dernière pièce du côté francophone pour l'instant. On s'en va entendre la position numéro 7. La numéro 7, c'est ponctuation avec ciao, bye, ciao. On l'appelle le numéro 7, numéro 7. Ça, voilà. Gagnant. J'ai pas dit de passer sa batterie puis ses instruments. Ben ouais, tu sais que j'aime ça. Ça me défoule. We'll be right back. C'était Ponctuation et la position numéro 7 du palmarès francophone. C'est Ciao, bye, ciao. Et là, à la place de faire Ciao, bye, ciao, on va faire le contraire. Bonjour, salut, ahoy, bonjour. Oh. Ahoy, c'est une référence à plus tôt dans l'émission, on se rappelle? Oui, oui. C'est rare que je suis assis là, je suis déstabilisé, je suis face à face. T'es un petit peu plus à ma gauche, mais un peu plus à ta droite. Ouais, d'habitude, je fais un peu plus de profil. Comme mélangé. Là, c'est mieux. Donc, bon retour. JP, t'es avec nous juste pour un petit bout. On va te reperdre. Hein? Oui, je sais. C'est comme ça. Des fois, ça arrive. On s'habitue pas trop à toi. Tu feras tag team avec Stéphanie tantôt. Oui, ça se peut qu'on essaye. On va essayer un nouveau concept aussi d'arrêt dans le temps. Oui. Quand je vais quitter, le temps devrait s'arrêter jusqu'à temps que Stéphanie revienne. Je pense qu'on parlait de ça tantôt, ça avait l'air brillant. Ça a l'air brillant et vous allez comprendre par ça que l'humour, on va laisser ça aux autres, comme un de nos invités là. Oh, hein? Wow! C'est un genre de lien. Je te laisse présenter nos invités. Oui, ben dans le fond, ben en fait, je vais présenter une personne qui va présenter l'autre personne. C'est comme une sous-étape, une branche, exactement. Si on veut. Okay. Donc, en fait, on va présenter des jeunes talents, de la relève. Là. Vraiment, on parle de relève. Et puis aujourd'hui, on va y aller surtout en humour. Et en chanson. Oh. Mais avant ça, je vais vous présenter Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, très bien. Donc, ben, explique-nous qu'est-ce que tu viens faire à la radio aujourd'hui. Pourquoi la radio? En fait, aujourd'hui, on est venu présenter un nouveau projet qui s'appelle Les talents de la jeune relève. C'est un tout nouveau projet, tout beau, tout neuf depuis mai dernier. Et nous, en fait, on offre la possibilité de soutenir les jeunes dans leur développement artistique par le loisir culturel. Mm-hmm. C'est assez vague, mais je vais vous l'expliquer en détail. Ben, moi, j'ai compris. En fait, c'est mon dada, là, le loisir culturel et tout. Toi, t'es un gars de loisir culture tourisme. Ben, c'est ce qu'ils disent. Hein? C'est ce que Nadia m'a dit. C'est ce que tu dis toi-même tout le temps. Oui. Qui, Nadia, non? La rectrice. Ah, Gazali. Ben oui, oui. Ah, bon. En tout cas, là, on divague. Un peu. Oui. Donc, le loisir culturel. Oui, exactement. Nous, en fait, on offre des services aux jeunes artistes de la région afin qu'ils puissent se développer. Donc, on offre un service d'encadrement. On recrute les jeunes dans les écoles secondaires. On a une cohorte de 35 jeunes cet été. Puis on les prend, puis on leur fait faire la tournée des événements culturels La Mauricie, donc les fêtes et festivals. Ça l'implique aussi de pouvoir se développer sur des scènes professionnelles avec de l'équipement professionnel, ce qui est très bien dans leur cas, parce que c'est quand même des jeunes talents, c'est des talents de la relève, ce qu'on appelle. Donc, on a des jeunes qui sont en chant, on a d'autres en humour, on a de la variété, on a du cirque même. Donc, très intéressant de pouvoir donner la chance aux jeunes de pouvoir être sur scène, de pouvoir voir la réaction du public. Donc, nous, on encadre les jeunes du début jusqu'à la fin. On les recrute. Par la suite, on leur offre des expériences de loisirs culturels sur des scènes professionnelles. Puis, on les accompagne pendant toute la journée de l'événement. Donc, c'est le fun parce qu'ils nous voient. On peut leur donner du feedback, de la rétroaction. Puis, par la suite, à la fin de l'événement, on leur donne toujours une rétroaction afin qu'ils puissent s'améliorer. C'est important. Oui, c'est vraiment important parce que c'est des jeunes qui sont âgés de 12 à 18 ans. Puis, eux, ils veulent parfaire leurs connaissances dans le domaine des arts et culture. Donc, c'est le fun de pouvoir avoir la rétroaction. Aussi de professionnels parce qu'il y a des gens qui viennent nous voir puis qui nous donnent du feedback. Puis, on a beaucoup de jeunes cet été au niveau des arts de la scène, mais à l'automne, on va développer des nouveaux talents. Donc, en jeunes journalistes, jeunes animateurs, ça peut être jeunes techniciens. Donc, peut-être qu'on reviendra ici assez fou pour pouvoir animer avec vous. Qui sait, peut-être des jeunes vont vouloir venir animer de la radio. La porte est ouverte, je pense. La porte est ouverte. Mathieu, toi qui es là depuis longtemps, tu te souviens-tu de tes premiers moments? Je suis ni jeune ni talent, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. C'était quoi ta question? Ça fait longtemps. Tu te souviens-tu de tes premiers moments à la radio? Oui, ben c'était stressant, c'est sûr. C'est stressant au début pour tout le monde, c'est normal. Mm-hmm. On s'habitue avec le temps, vous allez voir. Ici, vous êtes en compagnie de gens qui se prennent pas pour d'autres. Fait que ça, on est là pour vous, on est là pour vous soutenir. Puis Mathieu, il a souvent l'air d'une pieuvre. Étonnamment, c'est incroyable. Les insultes, hein? Mais non, mais c'est très gentil. Okay. Des fois, il se fâche, puis il y a de l'angle. Parce que t'es multitalent, c'est pour ça les pieuvres, ben oui, exactement. Il parle, puis je devais rentrer 8 CD en même temps, puis en tout cas, moi, ça m'impressionne. Ça m'épate. Les mains partout, comme on dit. Oui, mais pas partout. Donc, ça pourrait être inapproprié. Tu vas pouvoir transmettre ton expérience à des plus jeunes. Oui. Tu sais, pour leur donner le goût de venir à l'université puis faire une émission de radio plus tard. Ben, j'aimerais ça, en effet. Moi, je suis toujours la personne qu'on met sur ces dossiers. les cobayes ici à la station quand on a une nouvelle émission, ils viennent assister à Assemblage requis. On ne dit jamais en ondes, mais il y a pas mal souvent du monde en début de session qui viennent regarder l'émission. Donc, ouais. Si ça vous intéresse un jour, on est pour ça. Et puis moi, j'avais une question. Est-ce que ces jeunes-là sont pris d'une base volontaire ou c'est avec secondaire en spectacle? Est-ce qu'il y a des associations qui se font avec divers organismes déjà en oui, place? Oui, totalement. En fait, c'est des jeunes qui sont volontaires à la base. Puis nous, on recrute, c'est sûr, pendant les finales régionales de secondaire en spectacle parce que c'est des gens qu'on sait qui ont du talent. Puis on a recruté cette année au Rendez-vous Pan Québécois. Donc, on avait une délégation de 114 jeunes qui accompagnaient, en fait, qui représentaient la Mauricie à Québec. Puis on était passé 4 jours à Québec avec eux, puis on a recruté des jeunes là-dedans. Donc, on est une cohorte de 35 jeunes cet été, mais à l'automne, c'est sûr que ça va grossir encore plus, justement avec les nouveaux domaines qu'on s'en vient, jeunes journalistes, jeunes techniciens, jeunes animateurs. Donc, cet été, on se concentrait sur les arts de la scène, mais à l'automne, on va être partout. Partout, et voilà, dès qu'il y a de l'art. Merveilleux. Donc, est-ce qu'on est prêt à présenter nos participants aujourd'hui qu'on reçoit en studio? Mais je pense que oui. Ils ont l'air pas trop stressés. C'est une bonne chose. Puis, je pense que ça va bien aller. Donc, est-ce que je les présente ou vous les présentez? Je pense que tu les connais plus que nous. Hein? OK, vas-y. On te laisse y aller. Vas-y. OK, parfait. Donc, notre premier invité en studio aujourd'hui, c'est un jeune humoriste de 13 ans seulement. Il a commencé à faire de l'humour seulement cette année. Et il a gagné la finale régionale de secondaire en spectacle. Donc, il nous a représenté au niveau provincial à Québec cette année. Comme je dis, il a seulement 13 ans et il s'appelle Mickaël Legendre. Salut, Mickaël. Enchanté, bonjour. Salut. Ça va? Oui, toi? Oui, très bien. C'est difficile, l'humour, j'imagine? Ben, des fois oui, ouais. Des fois non. OK, bon, on va te poser quelques questions pour voir si c'est difficile que ça. Oui, mais comment t'as commencé à vouloir faire de l'humour? Comment tu t'es lancé là-dedans, un matin comme ça, en te levant? Ou? C'est pas mal toujours été mon rêve de devenir humoriste. J'ai toujours aimé ça, faire rire mes amis, rire ma famille. Puis quand je suis rentré au secondaire, puis j'ai entendu parler secondaire en spectacle, je me suis dit, c'est là, c'est ma chance, j'y vais. Puis ça a bien marché, ce qu'on peut comprendre. Pourquoi est-ce que t'aimes être sur une scène devant public? Ce que j'aime, c'est le stress. Stress. Un bon stress. C'est ça. Ouais. Il me donne l'énergie pour faire mon numéro. J'aime ça. Comme on dit, si t'as pas de stress et que t'es blasé, hein, faut que t'aies un petit peu de stress, ça va te motiver à être meilleur encore. Mm-hmm. Est-ce que c'est ce stress-là qui t'attire pour faire des représentations devant le public? Est-ce qu'il y a d'autres choses que t'aimes? J'aime faire rire le monde. Ouais. Puis le bon stress. Dans les oraux, c'est ça. Faut toujours. Moi aussi, je me sentais un peu comme ça. Dans les gens. Ben non, mais tu sais, tu fais un oral, puis si ça rit pas, même si c'est super sérieux, moi j'aimais ça. Plugger une bonne joke. Là. Commence par une blague, c'est ça. Puis imagine tout le monde tout nu, mais pas tout le temps. Ça détend l'atmosphère. D'habitude, le prof, il donne de meilleures notes dans ce temps-là. Oui. Qu'est-ce que tu fais avant d'entrer sur scène? Est-ce que tu as un rituel de préparation avant de monter? Je me tasse de tout le monde. Peu importe qui, je me tasse. Okay. Je m'en vais dans mon coin, puis je révise mon texte. Bonne idée. Je me dis, je suis capable, vas-y, Mick. Let's go. C'est bon. Mick, pas Mike, toi, c'est Mick. Mick, oui. Tu t'appelles toi-même Mick. Oui. Est-ce que tu veux que les autres t'appellent Mick? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle Mick? Correct. Nom d'artiste, peut-être. Ouais. Ça va peut-être débouler sur quelque chose. Tantôt, tu parlais de stress, Mick. Est-ce qu'à un moment donné, ça devient trop gros? Est-ce qu'il faut que tu le gères? Comment tu fais pour gérer ce stress-là, des fois? Non, j'ai pas vraiment de stress. J'ai jamais été vraiment stressé par un numéro. Je suis confiant. OK. Même pas quand t'étais à la salle Albert Rousseau à Québec, qui est une salle professionnelle? Même pas. Il est fait pour être dans ce domaine-là, s'il n'est pas stressé avec ça? Ben oui, ça va bien aller. Comment se fait ton processus de création? Comment est-ce que tu écris tes textes? Je m'assieds à table avec mon frère, parce que c'est lui qui m'aide à écrire tous mes textes. OK. On sort des bonnes idées. Admettons, là, le show que j'ai fait, c'est sur ma famille. J'ai sorti des idées, tout ce qui a rapport avec ma famille. Puis là, on écrit avec ces idées-là. Puis là, ça forme un texte. C'est cool. C'est super. Mm-hmm. Donc, et puis, est-ce que, là, tu parlais de show, justement, est-ce que tu as des dates de spectacle? Si, mettons, on veut aller te voir, t'encourager, où est-ce qu'on peut aller? Oui, j'ai le 21 juillet au Comicor à Trois-Rivières. Dans 2 semaines? Oui. Et le 31 août à Saint-Élie-de-Caxton, il va faire partie du spectacle de la dérape culturelle. Donc, pendant toute l'après-midi, on va être à Saint-Élie-de-Caxton. Ouais. À Saint-Élie. Tu vois, commence déjà comme les artistes là, qui sont plus établis. Là, c'est tout le temps, je le demande à mon gérant, ben à oui, mon c'est ça. Booking, tu sais, people. Tu coupes mes dates de show déjà? Tu ouais, commences bien, j'aime ça. Est-ce que tu as des anecdotes que tu pourrais me raconter ou nous raconter à nous, en studio, concernant des contextes drôles qui te sont arrivés pendant des spectacles? Quelque chose d'une petite anecdote de tournée, presque? Ben... C'est la finale locale, la première étape de secondaire en spectacle. C'était pendant la générale, mon lancer était détaché, je suis parti pour faire mon show, oh! Puis je me suis planté face première au sol. C'est pas le cauchemar, mais la hantise de toute personne qui est sur scène de se planter, puis ça t'est arrivé comme ça, bang, en premier. Ouais, mais au moins c'était la générale. Ouais, au moins. Mauvais général, bon show d'habitude. Oui, c'est bon show en général. Non, mais c'est ça l'affaire, faut que tu commences par une grosse gaffe, comme ça tu peux pas faire pire. Hein. Voilà. C'est quoi le pire? Qu'est-ce qu'il y a de pire que de s'enfarger? Rien. Ben là, ben ouais. Mathieu, on pourrait facilement chercher. Je pousse, je voulais voir ça du bonnet. Oui. Question bonus, si on veut. Quels humoristes t'inspirent dans la vie? Qui est-ce que t'aimerais le plus? Je sais pas, avec qui t'aimerais faire un show peut-être en première partie un jour? Ou? J'en aurais deux, Louis-José Hout et Rachid Badouri. Bon choix. Louis-José, il est tout le temps actif, il est tout le temps sur scène. Il parle tout le temps du même contexte. Et Rachid Badouri, je le trouve vraiment drôle. Ses blagues sont vraiment drôles. C'est ça. Et c'est ce qu'on cherche d'un humoriste. Ouais. C'est drôle. Ben oui, voilà. C'est la base. C'est la mais base. Moi, ça m'apporte une autre question bonus. Chacun un. Hein? On a droit à un. Oui. Un chat. Oui. Est-ce que tu en as déjà rencontré? Est-ce que tu as eu la chance d'aller voir des spectacles d'humoristes ou tu as pu en rencontrer quelques-uns? J'ai rencontré Ben et Jarod. OK. Ils m'ont parlé que eux, c'est difficile parce qu'ils changent toujours de costume, toujours de personnage. Ils m'ont beaucoup parlé de ça. C'est pas mal les seuls que j'ai rencontrés. T'as rencontré François aussi, François Léveillé, François à Québec. Léveillé. J'étais là quand tu l'as rencontré. C'est vrai. Lui, il nous a parlé de sa vie de tous les jours, qu'est-ce qu'il allait faire, les projets futurs. Il était avec sa fille, puis c'est ça. Super. Tu vas rencontrer plein d'autres, sir. Ben oui, ce n'est que le commencement. Voilà. Donc, pour ceux qui pourraient peut-être avoir qui aimeraient avoir un petit avant-goût, peut-être, de quoi peut avoir l'air un spectacle de Mike, est-ce qu'on te laisse aller sur un petit moment pour toi? Nous autres, on va essayer de participer autant que possible. Hein, on va être ton public, puis on va même, si on veut, on peut tout t'applaudir. Ben oui, comme une entrée. Là. Oui, oui. Lève-toi puis rentre, hein, comme des temps chauds. Non, pas vrai. Alors, mesdames et messieurs, veuillez accueillir Michael Legendre dans son numéro « Ma famille ». Ouais! Oui! Oh yeah! Oui! Ben, salut! Je m'appelle Michael, j'ai 13 ans. Ah! Non! Puis je veux devenir humoriste. Je suis né dans une famille de 5 enfants et malheureusement, c'est moi le plus jeune. Laissez-moi vous dire que vivre avec 3 frères puis une sœur plus vieux que toi, c'est pas facile. C'est vrai! On dirait que tous les choix de personnalité ont été pris. Il y a genre le gars baraqué qui vend des selles, l'artiste un peu rebelle, le sportif qui veut devenir pompier, puis la sœur qui pense m'apprendre le sens de responsabilité. Voyons donc, qu'est-ce qui me reste à moi, à part le petit Goku qui collectionne des photos de chats, ou bien le petit gros qui aime la danse. Tu sais, des personnalités, ça s'agite pour Walmart. Non, tu nais avec, puis tu vis avec. Ça me fait penser aux parents. Moi, ma mère, c'est une mère poule. Elle l'arrête pas. Mick, fais pas ci! Mick, fais pas ça! Mick, lance pas de fourchette à ton frère! Mick, si tu fais du vélo, mets un casque! Mais c'est parce que j'ai 4 roues sur mon vélo. Dans le fond, ma mère, c'est comme un condom. Ouais, comme un condom. À protéger efficacement, tout en restant discrète. Mon père, c'est toute une autre histoire. Quand j'ai annoncé à mon père que je voulais devenir humoriste, il m'a répondu comme suit. Pas grave, fiston. M'en fait toutes des erreurs dans la vie. Moi, j'en ai fait une grosse, là, 13 ans. Mon père, c'est un homme. Il a pas d'émotion. C'est un homme. Mais quand la ligne nationale tombe en lockout, papa, tu pleures? Cette ligue-là, c'était toute ma vie. Mais pas, t'as encore tes fils, là. Mes fils, c'est quoi comparé à Kerry Price? Bref. Quand t'es le plus jeune de la famille, tu veux suivre les exemples de tes frères. Surtout quand on parle des femmes. Ah, les femmes, problèmes comme les allergies arrivent sans cri gare et se règlent avec bien des pilules. L'autre jour, j'étais dans la rue. Je vois une fille. Je mets ma face de tombeur, mets ma boîte à lunch de Spider-Man bien en évidence et je me lance avec toute confiance. Salut bébé, veux-tu venir au cinéma avec moi ce soir? Puis si tu dis oui, ça va être gratis. Cache ta compagnie d'un adulte. Come on, là. Si tu viens, je te paye l'extraveur avec l'argent que la fée des dents m'a donné. C'est là qu'elle a arrêté de me filmer puis qu'elle est partie en riant. Bref, au fil des années, je me suis rendu compte que les parents ont le même statut, mais pas la même influence. Les mères nous apprennent à prendre soin d'une fille. Les pères nous apprennent à prendre soin de plusieurs filles. Les mères nous apprennent à respecter les gens. Les pères nous apprennent à se faire respecter par les gens. Les mères nous apprennent... Blanc. OK. Ça arrive tout le temps, Mathieu. Ben ouais, c'est ça. Ouais, ben c'est... En tout cas, je changerai ma famille pour rien au monde. Merci. Bonne fin de journée. Ah. Merci! Bravo! Mick! Mick Legendre. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Oui. Voilà. Moi, j'ai bien ri. Blague de con, non? Oui. Blague de con. Hein? Blague de con, non? Ben oui. Donc, toujours assemblage requis à la plage. Et toujours avec des invités spéciaux en studio. Et on continue avec notre deuxième invité, n'est-ce pas? Oui, totalement. C'est une jeune fille qui a également participé à secondaire en spectacle régional. Elle a gagné la finale régionale avec son band, avec une création. Et elle a beaucoup de talent. Elle s'appelle Jeanne Duchesne-Soriol. Yeah. Ouais. Allô, Jeanne! C'est si un nœud, l'autre, ben oui! Bonjour. Bonjour. Donc, ben oui, comment ça va? Dans ça. Oui. Ben oui, ça va bien. On va commencer par une petite présentation. Mathieu, tu commences. Ouais, je te lance. On s'échange les rôles. Ben oui. C'est important. Donc, présente-toi, s'il te plaît, ton âge que tu vas faire, d'où tu viens. Ben, j'ai 15 ans, puis je viens de Trois-Rivières, ici même. Là. Facile, c'est comme réponse. Ben oui. Ouais. quand est-ce que tu as commencé à chanter? Ben, j'ai toujours adoré chanter, mais j'ai vraiment commencé à chanter sérieusement devant public vers l'âge de 8-9 ans environ, je vous dirais. Là, ouais. La moitié de ta vie, on certains pourraient dire. Ouais, ceux qui sont pas super bons en maths, mettons, tu dirais ça. Comme toi, finalement. Genre, pourquoi est-ce que tu aimes être sur une scène? Ben, j'aime être sur une scène parce que je me sens vraiment à l'aise. Dans le fond, je me sens dans mon élément. Puis, j'aime ça aussi. Tu sais, je peux témoigner ma passion aux gens qui assistent au spectacle en tant que tel. Ceux qui sont pas là, c'est sûr qu'ils vivent pas. Non, hein. Mais tu sais, après ça, ils reçoivent des vidéos, peu importe. Là, mais... Puis là, ils regrettent de pas y être allés. Voilà. C'est tout le temps comme ça. Ah, on sait pas. Mais ouais, je sens vraiment bien. Là, je sens dans mon élément. Puis, est-ce que c'est ça qui t'attire de faire des représentations devant le public? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier à part ce goût-là, genre de partager? Oui, entre autres, il y a ça. Mais aussi, j'aime ça après un spectacle, t'sais, recevoir les critiques. Comment les gens voient ça? C'est bon aussi. Les bonnes critiques, souvent, ça peut être constructif, même si des fois, on veut s'améliorer. Fait que c'est toujours le fun de voir comment les gens ont perçu ta performance. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, j'aime ça. Là, ouais. Cool. Rester humble. Savoir qu'on peut s'améliorer. Tantôt, on a parlé de s'enfarger dans son lacet. Là. C'était pas son rituel, ami, mais mettons que je te demande la question quand même, si t'as un rituel avant d'entrer sur scène. Ben moi aussi, je me retire dans le fond, dans mon petit coin, puis je fais toujours le signe de croix là, avant d'entrer sur scène, puis je prends des grandes respirations, puis c'est à peu près ça, là, ouais, c'est pas trop compliqué. Est-ce que t'es quelqu'un de stressé? Non, vraiment pas. Donc, le fait de gérer ton stress, c'est naturel. Ça se fait bien. Ça, c'est sûr qu'on a des petits papillons dans le ventre, mais je me fais pas de scénario, là, puis je suis pas vraiment stressée. Là, rendu sur scène, là, let's go, on y va. Là. Cool. Comment est-ce que tu choisis tes chansons pour un spectacle? Oui, bien, dans le fond, premièrement, ça dépend du délai que j'ai face au spectacle qui s'en vient. Ensuite de ça, ça dépend le public, il y a quel âge. Dans le fond, si c'est un public en bas âge, on va prendre des chansons qui vont plus, que eux vont plus connaître. Mm-hmm, les rejoins. Oui, c'est ça. Puis aussi, la langue. Dans le fond, j'essaie de prendre des chansons en français et en anglais, des styles aussi différents pour plaire à tout le monde, dans le fond. Puis aussi, des chansons qui vont faire valoir ma voix, tu sais, que je me sens solide dedans parce que sinon, ça va me c'était pas grave de la chanter. Ouais, c'est ça, il y a un problème, là. Donc, ouais. C'est à peu près ça, ouais. Pas capable de chanter, ça me rappelle ta dernière chanson au karaoké que t'as vraiment foiré. Merci. Ouais. Je suis allé au karaoké deux fois dans ma vie, c'était assez. T'sais. J'étais là. C'est ça. Est-ce que t'as des dates de spectacle de prévu? Oui, justement, demain, le 12 juillet, on est à Mont-Carmel. C'est l'événement Mont-Carmel en fête. Dans le fond, à 7h, on participe avec le band d'Éric Masson. On fait des chansons, je suis pas tout seul aussi, il y a d'autres personnes du même âge que moi ou encore plus jeunes, plus vieux. Puis c'est ça, on participe avec eux afin de faire valoir les talents de la jeune relève. Puis finalement, comme Mickaël l'a mentionné tantôt, il y a le 31 août à Saint-Élie-Caxton pour la dérape culturelle également. Un rendez-vous. Ben oui. Est-ce que tu as des anecdotes que tu pourrais raconter, là, encore une fois, concernant des contextes particuliers drôles qui sont arrivés pendant tes spectacles? Oui. Quand j'étais en secondaire 1, je devais faire un petit spectacle bénéfice, puis j'avais été prise à la dernière minute parce qu'elle a besoin d'une chanteuse. Puis la chanson, si je me souviens bien, c'était Twist and Shout des Beatles. Puis c'est pas vraiment mon style, dans le fond, c'est pas vraiment dans mon registre. Puis je l'avais appris comme la veille, puis rendu au spectacle, mais il n'y a pas beaucoup de monde, c'est genre tout des personnes âgées, là, ou des adultes, les parents, tout ça. Puis je m'étais plantée dans mes paroles, mais pas tant longtemps, un gros 5 secondes, mettons, mais j'ai fait comme si de rien n'était, puis les personnes, ils pensaient que le micro, il avait arrêté, finalement. Mais ouais, après ça, j'ai plus jamais rechanté cette chanson. Toujours faire passer ça sur le technicien à la console. Moi, c'est ça que j'ai appris. Même quand tu fais des gaffes à la radio. Ah, le technicien. Oui. Quelqu'un d'autre. Parfait. Est-ce qu'on avait des questions bonus? Est-ce que t'en as, toi? Chanteur qui t'inspire dans la vie? Hey, bonne question. Il n'y a pas vraiment de chanteur vraiment qui m'inspire. D'habitude, ça va être vraiment soit les chansons un peu plus classiques. J'aime vraiment le Edith Piaf, là, dans ce style-là, jazzy, okay, tout ça. Ou j'aime bien Cœur de Pirate. J'aime des artistes anglophones, mais il y en a tellement que j'en aime vraiment beaucoup. Mais je les aime pas mal toutes, là, ouais. Autant cool. Québécois qu'anglophones. Puis, dans le fond, dans la même lancée que j'ai faite avec Mick et ma question bonus fake, est-ce que tu as déjà rencontré justement des artistes? Est-ce que tu as eu la chance d'en croiser? Oui, j'ai rencontré Marie-Hélène Thibert, puis Marimé en personne. Là, puis, ouais, c'est ça, là, vraiment en personne, oui. Puis, je suis allée voir d'autres spectacles aussi, mais c'est ça. Tu l'auras pas serré la main? Non, pas nécessairement, mais c'était fun quand même. <Oui. rire> je pense qu'on est prêt pour t'écouter un peu. Ah, ben, c'est parfait. J'ai ta chanson juste ici, donc tu me dis quand t'es prête, puis on passe. Ça va être mon mec à moi de Patricia Cass. La voici. Jeanne. Avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs et moi je crois tout ce qu'il me dit. Les chansons qu'il me chante, les rêves qu'il fait pour deux, c'est comme les bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui. Moi. Sa façon d'être à moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ses films en noir et blanc, qu'il m'a joué 200 fois, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il va, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui, mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand elle brille dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je le suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Oh oui. Bravo! Jeanne! Alors, ça va se bloquer à la plage, bravo! Et vraiment, félicitations à toi, félicitations à Mick aussi. Deux très bonnes performances, et il faut le rappeler quand même, il faut le dire. Mais c'est pas pareil de faire ça devant juste du monde dans un studio, comparé à dans une foule, tu sais, c'est pas la même chose. Et je trouve que vous avez vraiment très, très bien fait ça. Merci. Oui, bravo. Félicitations. Et rappelons aussi que c'est pas âgé, c'est nouveau, des nouveaux talents de la relève. Mm-hmm. Donc, quand même, c'est très impressionnant. Une belle relève qui se dessine ici. Félicitations. Bravo. Donc, on remercie à toi. C'est quoi ton nom, toi? Excuse-moi. J'ai compris ça. Oui, oui, professionnalisme ici. Isabelle. Est-ce qu'on rappelle rapidement les dates pour ceux qui voudraient... Ben voilà. Donc, merci. Donc, on a le 21 juillet au Comic-Car où nous allons pouvoir voir une prestation de Mick. Est-ce que tu vas y être aussi au Comic-Car? Je me souviens plus. Non, car moi, je suis pas c'est vrai. Encore. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est... Quelle question? Tu vois, professionnalisme aussi. 1-1, Mathieu. Ouais, t'avais bien beau, hein, toi? Parfait. Est-ce que tu veux que je présente les prochaines dates? Oui, vas-y. Écoute, je te laisse aller. Je pense que... Parfait. Bien, on a demain, premièrement, qu'on va être à Mont-Carmel en fête. Les jeunes vont avoir la chance de pouvoir chanter avec Éric Masson et leur band. Le 12 juillet. Pour ceux oui, exactement. Nous en rappel. Le 12 juillet. Puis le spectacle s'appelle Place à la relève, si vous voulez aller voir ça sur Internet. Par la suite, le 21 juillet, on va être au Comic-Car de Trois-Rivières. Il va y avoir trois humoristes ainsi qu'un numéro de cirque. Donc, bien intéressant à venir voir au Parc des Chenaux à 14h30. Ensuite, on va être du côté de Champlain le 26 juillet prochain pour la journée culturelle dans les camps de jour. On va faire des prestations là pour les plus jeunes, des 5 à 12 ans. Par la suite, le 27 juillet, on va être au Festibage, Lac à Tortue, pendant l'après-midi de 13h à 14h. Le 14 août, nous sommes du côté de Saint-Narcisse, au mercredi de l'Agora. Donc, nous avons 2 heures de spectacle, de 8h à 10h le soir. Donc, deux bands de la région qui sont avec nous, ça va rocker. Et le 31 août, où vous pourrez voir Jeanne et Mickaël, qui va être du côté de Saint-Élie-de-Caxton, au Garage de la culture. Et l'événement s'appelle la Dérape culturelle, si vous voulez voir sur Internet. Et on vous invite à nous suivre sur Facebook. Toutes nos dates de spectacle sont là. Puis vous pouvez avoir des photos de nos jeunes artistes puis voir un peu ce qu'on fait dans la région. Génial, ça! Génial! Merci beaucoup, Isabelle. J'oublierai jamais ce nom, dorénavant. Ah, merci. Donc, Isabelle, Jeanne et Mickaël. Mick, mes intimes. Merci beaucoup. Et pour une prochaine fois, peut-être. Certainement. Peut-être, tu sais. Ça va vite, les choses. Pour arriver. Donc, nous, on va continuer avec une autre pièce du palmarès. Mais avant ça, une petite pause publicitaire, parce qu'on on le mérite bien. On mérite ça, prendre une pause après ça? Ouais. Cool. Bien. C'est pas toi qui as performé. Tu prends des pauses de quoi, toi? Hein? La technique. OK. C'est tout. Les extrêmes de nos amis. C F O U 89 1. En garde. Oh oui, je me suis remis de ma technique, là. C'est tellement difficile. La pause a été vraiment méritée. Hein. Oui. c'est ça. Il aurait dû le voir prendre son pina colada et son margarita d'un trait. Non, directement ça à la tête. Oui. Pour me rafraîchir, je fais ça, mon pina colada sans, dans la face. Mm-hmm. Ça a une drôle de texture, je dirais. Oui, toujours mieux que les noix de coco sur la tête. Donc, toujours en sondage requis à la plage avec Jean-Philippe Chablon. Et Mathieu Plante. Justine Renaud qui est toujours là, qui peut emprunter ton micro si elle veut parler. Je suis là. Ça va être bizarre de se passer ça de bord puis de dos. Ouais. Tu sais ce qu'on dit sur se passer micro? Hein? Oh, t'as pas la gastro, toi, hein? Moi, j'avais mal au ventre tout à l'heure. Bon, ben, on est deux. Et c'est à cause d'elle que t'as mal au ventre maintenant. Oui, voilà. Le dernier qui reste assis. C'est comme la chaise musicale. Ça va nulle part, notre affaire. Non. Est-ce que tu veux qu'on continue avec la musique? Comme d'habitude, voir. On est rendu à la position numéro 6 du côté francophone et ça monte de la 20e place. C'était nouveau la semaine passée. Oui, donc c'est la question, hein, mais écrit comme un lac. La question et la pointe de l'iceberg. Comme un lac. La question. Donc, ouais. Comme tantôt Justine disait qu'un point d'exclamation, il fallait dire « Citizens ». Il faut le poser comme une question. Donc, dis-moi le nom, la question, en tant que question, s'il te plaît. La question? Oui. J'avais pas de l'air convaincu, hein? C'était correct. Je te donnerai une note de point d'interrogation sur 10. À remplir plus tard. Ouais. Chose à faire dans la semaine. C'est ça, to-do list. Oui. Derrière les routes que l'on emprunte, nos amours échoués, nos passions défuntes, derrière les histoires que l'on raconte, et toutes les autres qui nous font. qui est la pièce FM. C'était le numéro 1 dans le précédent palmarès. Maintenant, c'est en 5e place. Petite chute. Petite chute. Ouais. Ils ont pris un serpent dans le jeu de serpent et échelle. C'est ça. Il n'y a pas des versions où c'est genre chute et échelle. En anglais, c'est shoots and ladders à la place de snakes and ladders. Hein? Ça, c'est vrai. Pour je sais pas si par controverse les serpents, tu sais. Les gens n'aiment pas ça, ça leur fait peur. Donc, Justine Renaud qui est toujours avec moi. On revient dans quelques minutes pour une dernière heure d'émission. Oui. T'es là pour patcher jusqu'à temps que Stéphanie arrive. Oui, je suis une patch of the crack. Je suis du polyphila, okay. Auditif. Polyphila. J'essaie de faire un jeu de mots avec quelque chose. Soit Justine ou Renaud. Essaye pas. On n'a pas le temps. Mais quelque chose. Une pause, ça va être. Une pause, on va mettre une pause. On revient avec Véronique Mire et sa chronique, le Véronique Sionnaire. Et aujourd'hui, c'est la lettre... R. R, oui, R. Qu'est-ce qui vient après S, R? R comme R. OK. Râteauculteur. Rhododendron. Un râteau. Râpe. Rot. Riche. Burp. Ruine-babine. Rasé. C'est rarement bon, nos mots, hein? Rarement. Rarement. On fait rire. Moyen. C'est la dernière heure d'assemblage requis à la plage pour la semaine du 8 juillet 2013. Elle est Justine Renaud. Il est Mathieu Plante. Oui, Jean-Philippe Charbonneau est parti entre-temps depuis qu'on s'est parlé tantôt. Il nous a quittés, mais... Ouais. Il n'y a pas tant de bye. En plus? Ouais. Pas grave. On peut comprendre, c'est un homme très occupé. Ben oui, un homme de talent, un homme de renom. Avec beaucoup de cheveux. Oui, un homme de... Oui, beaucoup de poils en général, je veux dire. Donc, c'est un homme de renom. Toi, t'es une femme de renom. Oui, Renaud, Justine Renaud. Ton nom de famille? Oui, oui. Je vais me noyer, moi, je pense. dans quelques minutes, ce sera Véronique Mire. Mais pour l'idée d'enregistrer dans la pataugeuse. Dans la salle de bain, on dirait. Ça. Aussi. on écoute Bravo Funken en position numéro 4 du côté francophone. Oh, voici, oui. Tu t'es mise à crier. Vas-y. Ah! Yaha! Wouhou! J'ai lavé mon lit, il était tout taché de noir. Bravo Funkin, et lancé numéro 9 maintenant en quatrième, c'est Tu t'es mise à crier. C'est sur leur maxi qui s'appelle De par le fait même, Tu t'es mise à crier. Hein? Maintenant, crions tous ensemble pour leur dire d'arrêter de chanter parce qu'une chanson à la fois, c'est bien en masse. On va crier le nom de Véronique parce que voici le Véronique Sionnaire. Pas sa chanson thème partout, mais on l'utilise pas. Ah, ben c'est correct, c'est bon. Ça fit avec le Lone Ranger que je suis allé voir cette semaine. Oh, puis c'est mauvais apparemment. C'est pas très excellent, non. C'est Johnny Depp, film de Disney, je pense. C'est ça? Bref. C'est du copier-coller un peu. Ouais. En tout cas. Avant de commencer avec Véronique, entre-temps, Stéphanie Paradis est arrivée. Oui! Bravo! Ouais! Je me suis rendue. Elle qui a manqué le trois quarts de l'émission, mais ça va être comme ça pour les prochaines semaines aussi. Pour les deux prochaines semaines. Cool. Mais après pas cool. Ça. Je reviens comme pour tout le temps. Full time! Ouais. Full time. Stéphanie Paradis, Justine Renaud, Véronique Mire. Véronique s'est rendue la lettre R cette semaine, si je ne me trompe pas. Oui, la lettre R. R comme. Ribambelle. Ah, oh, comme Ramadan. Ah oui, Ramadan. Ça fait pas longtemps qu'il commençait le Ramadan pour nos amis musulmans. Rwanda. Aussi. Oui, mais c'est quand même étonnant. Je me disais, oh boy, hein, plus qu'on recule, en fait, c'est-à-dire plus qu'on avance, plus on recule, ça va être chiant à choisir des thèmes. Puis la lettre R ne m'a pas tant inspirée. Mais en fait, c'est pas qu'elle m'a pas inspirée, c'est que les sujets étaient pas super intéressants. Non, t'as choisi que les meilleurs. Mais j'ai choisi les des bons, là. Mais bon, ça n'a pas été difficile de couper. D'habitude, tant. D'une semaine à l'autre, je suis comme, oh non, qu'est-ce que je coupe? Mais bon. Voilà, donc commençons en grande avec un objet utilitaire qu'on utilise une fois de temps en temps. Une roue. Un rotoculteur. Oh non, oui. Un rotoculteur. Hey, j'ai dit tantôt roto dans ma liste d'hier. C'est ça, roto? Non, c'est moi qui l'ai dit. Non, non, c'est pas un roto. Objet utilitaire d'hygiène personnelle. Rouleau. Un rouleau à poils. Vénus, en fait. Ah, un rasoir. Un rasoir, oui, un rasoir. Donc, petit historique. Du rasoir, j'aime ça faire l'histoire des objets, c'est intéressant. Toujours. Donc, les archéologues ont découvert des rasoirs en silex, dents de requin, bronze, or et fer. Wow. Donc, qui datent de plusieurs milliers d'années. On ne sait pas exactement depuis quand ça existe. Wow! Non, juste moi, ça fait complètement capoter. J'aimerais ça me raser avec une dent de requin. Ouais, hein? Ça doit couper moi aussi. En maudit. Ça doit. Ouais, tu vois un requin arriver et tu dis ouvre grand ta bouche, là tu passes la jambe. Ok, merci beaucoup. Bon, c'est pas depuis quand ça existe, mais ce qu'on sait, c'est que les gens ne savaient pas bien les utiliser. Jusqu'à peu près au 18e, 19e siècle. Donc, ça a été assez long. Dans le temps des Romains, le raseur ou le barbier était appelé un tonsor. Tonsor. Un tonsor, puis il se servait d'un ovacula. Donc, il y avait la forme courbe, une forme courbe. Tout le monde a un regard perplexe. Puis, en fait, dans le temps des Romains, ben, un bon barbier pouvait très vite monter dans la société parce qu'il faisait énormément d'argent. Donc, c'est nécessaire, tu sais. Oui. Si tu pouvais pas te raser toi-même, il fallait que quelqu'un rase. Comme c'était vraiment la société des apparences, beaucoup ouais. Les Romains. Hein, donc, un barbier très connu qui s'appelait Canamus. Ils ont tous des beaux noms d'objets. C'est très spécial. Hein? Passons. Lui était tellement bon qu'il a ramassé le sens nécessaire, le sens donc pour payer et entrer dans la hiérarchie. Donc, quand même, tout qu'un barbier. Ça a changé aujourd'hui, on dirait, la notoriété des barbiers. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Au 16e siècle, ils deviennent de plus en plus performants. Puis là, on se rend compte que vraiment, sans le barbier, ben ça peut être vraiment dangereux, surtout pour la pomme d'Adam. En 1762, un coutelier appelé Jean-Jacques Perret, ou Perret en fait, parce que c'est un Français, invente le premier rasoir de sécurité. Donc, seulement oui. Une partie de la lame est visible. Donc, moins de danger de coupure. Et ça, étrangement, c'est très, très populaire chez les geeks de rasoirs et de rasage. Là, apparemment que sur Internet, il y a des grosses communautés de ça et les safety razors, c'est la chose la plus appréciée. Là. C'est comme l'affaire sacrée pour eux autres. Eh ben. Ouais, c'est vrai ça. Puis lui, ben, il a écrit un livre, un traité, en fait, qui a un autre nom bizarre. C'est la pogonotomie, ou l'art d'apprendre à se raser soi-même. Donc, la pogonotomie, c'est l'art de se raser soi-même. C'est pas de se mettre un bâton dans les... Non. Puis, ben, cet ouvrage-là a marqué la fin, si on veut, là, du barbier professionnel usé tout le temps, parce que les gens utilisaient aller chez le barbier. Parce que lui, ben, il disait aussi qu'en plus, c'était dangereux parce que les rasoirs étaient pas très bien désinfectés. Ah! Donc, danger. C'est qui a inventé le premier rasoir jetable? Vic. Oh! Monsieur Gillette. C'est ça que j'allais dire, Monsieur Gillette, ouais. Mais je pense que ça doit être plus Bic. En tout cas, moi, je suis sûr que c'est pas chic parce que leurs rasoirs sont vraiment mauvais chic. Fait que oh. Si c'est eux autres qui les ont inventés, dis-moi pas que c'est eux autres qui les ont inventés. Ben, vous avez bien raison, c'est Gillette. Phew. Oui, oui, oui, oui. En 1895, un matin de 1895, King Camp Gillette, de son nom King. Hein, le King des rasoirs. Lui, il s'énervait à affûter son rasoir un bon matin. Puis là, il s'est dit, là, ça va faire, là. Puis il a décidé qu'il inventerait le rasoir à tête jetable. Donc, ça y a pris 4 ans pour finir son modèle à l'aide d'un mécanicien et d'un chimiste. Il va être rendu barbu après 4 ans. Brevet déposé en 1904. Puis, la compagnie Gillette Safety Razor Company avait des méthodes commerciales très originales, comme par exemple, ben, vous pouviez essayer, ben, à l'époque, c'était original, là, maintenant, ça l'est un peu moins, essayer le rasoir pendant 15 jours si vous n'êtes pas satisfait. Non? Vous le retournez. Ouais. Puis leur slogan, un peu, c'était que c'est un jeu d'enfant de se raser avec un Gillette. Donc, moins de danger de coupure. Hmm. Puis aussi, pendant la Première Guerre mondiale, ils ont envoyé des rasoirs aux soldats. Hein. Donc, il y a 4 millions de rasoirs et 36 millions de lames qui ont été envoyées de Gillette pour la Première Guerre mondiale pour des raisons d'hygiène, évidemment, et de protection. À votre avis, pourquoi de protection? Ouais, c'est une arme, ça, quoi. Ben, ton fusil de lâche, utilise ton Gillette. Hein? C'est un jeu d'enfant. M'a t'enlevé le front. Ben, en fait, ce qu'il disait, c'est que un visage bien rasé faisait que ton masque d'oxygène tenait mieux. C'est excessivement important, ce que tu dis là. Okay. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont tenus de se raser, les soldats. Eh ben, je sais pas. C'est juste dans la marine. C'est pour ça la buzzcut aussi? Je sais pas. C'est ça, je sais pas. Ben oui. Puis là, ben, il disait, il faisait une comparaison avec les Français qui, eux, ne se rasaient pas, qui étaient peu équipés. Oh, qu'ils sont poilus. Des poilus. Ils puent. Ben, le premier rasoir électrique, par contre, en 1928, vient de Chic. Oui, ouais. Et ouais. A été pris ensuite par Philips. Mais non, vraiment pas. Philips, pas c'est Chic. Gars d'expérience en termes de rasoir, j'ai tout essayé. Pour un gars qui se rase une fois par semaine, il faut que j'en aie un bon. Mais Chic et Philips, pas du tout bon. Gillette, c'est parfait. Gillette, ben, c'est le premier. Sachez-le. Donc, c'est parfait. Puis, en 1939, Alexander Horowitz, oh my God, j'ai scrappé son nom. Lui, il a remplacé les dents par des lames rotatives. J'aimerais bien avoir ton merveilleux accent anglais, d'ailleurs. Tu parles très bien en anglais. Justine. Ouais. Je suis en train de rien dire. Non, mais t'entends. Donc, lui, il a remplacé les dents par des lames rotatives, puis il a créé la première tondeuse pour les cheveux. Oui, les petits genres de peanuts. Pas les tondeuses à gazon. Okay. Tondeuse voilà, à face. Rasoir. Ouais, tondeuse à face. Moi, j'aime ça, ça. J'aimerais ça avoir une barbe juste pour l'essayer. Ben, c'est tout. Mais tu peux l'essayer, puis tu auras une barbe après. Oh. Ça pousse après. Le rémora. Qu'est-ce que le rémora? Attends. C'est pas un poisson? Oui. Tout à fait. Moi, je connais ça, un poisson. C'est comme la faute des animaux. D'eau douce. C'est un compagnon des requins, des baleines, des bateaux. Ah, c'est ça. C'est comme un petit poisson là, qui est comme un peu, qui a une relation mutuelle, je sais comment t'appelles ça, parasitaire, mais pas vraiment, qui bouffe comme les... Dans le fond, il bouffe la crasse des requins. Et quand il mange des affaires, il mange des... Ben, je vais te laisser faire. Oui, super. Non, c'est bon. Elle a l'air belle intelligente, mais tout ce qu'elle a pris ça de Finding Nemo, c'est tout. Exactement. Non, ben, en fait, lui, ce poisson-là, il y a une ventouse sur sa tête, donc c'est pour ça qu'il peut rester collé au requin ou aussi aux baleines cétacées ou aux bateaux, puis il les débarrasse de leurs parasites. Hmm. Donc, c'est une relation donnant-donnant. Puis, ben, il peut mesurer jusqu'à 40 cm de long. Oh, OK, ils sont pas quand même. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser aux petits poissons, là, tu sais, dans les trucs, les spots, tout sur les pieds, là, qui t'enlèvent des petites peaux mortes, là. Ça me fait penser à ça. Ou les poissons d'aquarium, là, qui mangent les vitres. Puis, ouais. Mm-hmm. Ça, c'est drôle. Ouais. Puis, ben, à l'Antiquité jusqu'au 17e siècle, ces poissons-là, il y avait des superstitions parce que, puisqu'ils étaient collés souvent sur les autres poissons, ben, on disait qu'il y avait des pouvoirs d'immobilisation. Parce qu'on était beaucoup magie et tout dans ce temps-là. Wow. Naïf. Et puis c'était un symbole alchimique du froid. Pas savoir pourquoi, mais bon, voilà, vous le savez. Les superstitions de poissons, là, c'est des super poissons-stitions. Oh oh! Poissons. Super poissons-stitions. Hey, c'est bon, ça! Ouais. Sans postillon, en plus, c'est bon. Pourquoi on a les yeux rouges sur les photos? À cause de la. 1, 2, 3, go! Rétine! Les petits doigts! Faites un vœu. Cute. Ouais. Ouh, on a eu droit. On l'a fait, là, pour vrai. Ben oui. En fait, c'est que quand il fait noir ou sombre, là, il est très ouvert. Il y a beaucoup de lumière qui entre. Donc, la rétine est dilatée. Puis quand on prend la photo, le flash, en fait, photographie votre rétine. Ah. Donc, c'est ça que vous voyez en rouge. Donc, c'est assez bizarre. Ça avait l'air diabolique, on dirait un barbier qui finit en culot comme tantôt. Portes-tu une cape, le Barracuda? Dracula? Barracuda? Mon barbier de tantôt. Non, elle est seule à dire. Barracuda, c'est une bonne tourne, ça, Barracuda. Pas de cap, ça, c'est ça. Baradracula, par exemple. Baradracula. Bon, moi, j'enchaînerai. Ouais. Voilà. Ravensburger! C'est qui ça? Compagnie de jeux de société, je pense. Les casse-têtes. Casse-têtes, voilà. Les super casse-têtes, Ravensburger. T'as des connaissances bizarres. C'est la compagnie qui crée les casse-têtes la plus connue au monde. Donc, mais elle ne crée pas que des casse-têtes. Donc, leur spécificité, eux autres, c'est qu'ils ont vraiment des morceaux là, qui s'emboîtent vraiment bien un dans l'autre. C'est une technologie qui a été inventée par eux, du soft click. Puis, ça fait aussi que puisque ça s'emboîte très bien, l'image à la fin, on dirait qu'il n'y a plus de morceaux de casse-tête. On dirait simplement une image. Ben, parce que sinon, les casse-têtes cheap, c'est genre, tu vois l'intérieur du carton sur le côté. Oui, ouais, des fois, ça déchire mal aussi. Tu vois des petits morceaux. Pour ceux qui... Il y en a un qui a encore de leur casse-tête. C'est ça, j'allais dire. Ça doit être la marque idéale pour coller son casse-tête puis se faire un beau cadre dans son sous-sol. C'est pas mal plus beau avec un Ravensburger. Aussi, chaque pièce est unique. Sont toutes dessinées à la main. Donc, dans un casse-tête de 1000 pièces. Puis ça, c'est toujours approximatif pour votre information. C'est cher à la main, hein? Non, je sais pas. C'est peut-être cher. C'est pas tant, non. Pas tant que ça. Mais souvent, plus il y a de morceaux de casse-tête, à 1000, il y en a 1000, mais mettons 2000, 3000, 4000, c'est approximatif. Il n'y en a pas nécessairement 2000, 3000, puis il y en avoir un peu plus. Donc, ça ne sert à rien de compter avant pour savoir s'il nous manque un morceau. Faut c'est ça. Faut le faire. C'est ça. Le compter, des fois, c'est pas nécessairement le bon indicatif. Le plus gros casse-tête du monde fait par Ravensburger, à votre avis, contient combien de pièces? 23 000. Oh! Un peu plus haut! Un peu plus loin, 100 000. Non. Ben là! Un peu plus haut que 23 000. 26. 32 000. Ça va être long, je pense. Exactement ça. 32 000. Yeah! Après 8 essais. Pile comme tu le disais, elle l'a dit. Donc, c'est le plus grand casse-tête du monde fait par Keith Haring, donc un artiste du pop art américain. Donc, c'est vraiment une œuvre d'art. Mesure 5,44 mètres de long par 1,92 mètres de large. J'allais dire à 32 000 morceaux, tu le commences pas sur ta table de cuisine une heure avant de souper. Tu fais les coins, puis littéralement, ça prend le coin de la rue. Ah ouais, c'est long, long. Ça dépend de la grosseur des pièces. Ah, c'est parce que si t'as des grosses pièces, je comprends que ça peut prendre genre vraiment la peine. Ça avec les boutons, comme pour les enfants, les petits boutons, genre que t'es pognes par le dessus. Oh, là. Bon? Oui. J'avais beaucoup de talent là-dedans quand j'étais petite. Ça peut être long. Puis en fait, ce casse-tête-là vient dans des valisettes à roulettes. Et tabarouette. Ouais, c'est ça qu'il dit. Tu valisettes à roulettes, il pèse 17 kilos. Puis, c'est pour les 14 à 99 ans, là. Bas de 14 ans, là. Oublie ça. Puis, ils font pas que des casse-têtes, ils font aussi des jeux de société comme le jeu Labyrinthe. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Donc, c'est très celui. Jeu. Non, c'est pas celui-là. Faut que tu bouges des pièces pour te rendre à des morceaux, à des objets magiques. Ils font des jeux scientifiques aussi pour découvrir les dinosaures, etc. Ils sont cool, je les aime, eux autres. Des jeux éducatifs pour apprendre les formes, les couleurs. Puis c'est toujours des très belles images, des belles couleurs. Des loisirs créatifs comme les mandalas, les bijoux, la mode, etc. Puis, ils ont plein de partenariats avec pour avoir des personnages connus comme Astérix, Bambi, Hello Kitty, les Cars de Disney, etc. Puis, à Noël, ils créent à chaque année un nouveau puzzle de collection. Mais qui est à un prix abordable là, que vous pouvez collectionner. Puis la particularité, c'est qu'il y a toujours à peu près l'image d'une boîte d'un puzzle de Ravensburger dans le casse-tête. Dans le casse-tête, c'est génial. Eh oui. Puis en plus, Ravensburger, Raven, c'est un corbeau, Burger, c'est un hamburger. Fait corbeau hamburger, c'est génial. Ça doit être bon. Un bourgeois, de corbeau. Si tu veux le faire en français. C'est ça. Mettons, tu ferais de la viande de corbeau. En bourgeois. Ouais. Pas hamburger. Excuse-moi. En bourgeois. En bourgeois. Ou homme bourgeois. Bourgeois homme. Oh non, moi, je les aime pas, eux autres. Eh bien, avant de partir en musique, d'où vient la mode de rouler un bas de pantalon? Hein? C'est un mot de modelette. Ça cherche ça, moi, rouler. Ça devait être comme moi, les gens lâches qui veulent pas faire leur bas de pantalon. ou les gens qui réussissent pas à trouver une grandeur de pantalon à leur taille côté grandeur, mais à leur taille côté horizontale, ça marche. Fait qu'il faut qu'ils rétrécissent les bas de pantalon. Hein? Ben moi, c'est ça tout le temps dans ma vie. Il faut toujours que je rétrécisse mes bas de pantalon. Ben non, ce n'est pas ça. Oh. En fait, c'est les rappers, hein, donc rap d'origine afro-américaine, en hommage à leur peuple victime d'esclavage, donc ils roulent une des jambes de pantalon pour leur rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, ben, il y avait les chevilles avec des fers. Puis, ils ne roulent pas l'autre côté pour montrer qu'ils se sont libérés de l'esclavagisme. Donc, ceux qui font ça pour le fun, là, parce qu'ils trouvent ça beau, là, ben pensez à votre affaire. C'est raciste. C'est une grosse symbolique, non, quand mais même. En fait, c'est bon, mais ouais. C'est que si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, t'es calme. Tant qu'il y a été... Pardon, mais t'es calme. Faut pas y mettre les mots dans la bouche. T'es calme. Ah, ouais. Tout ça en disant YOLO. YOLO! Oh boy! Yo man, donc, YOLO! Donc voilà la première partie de la chronique. Cool! Très très cool. On continue les R dans quelques secondes dans le Véronique Dictionnaire. Pour l'instant, on continue avec la position numéro 3 du côté francophone. Ça monte d'une place. Voici Violette Pie et Petit Singe Robot. Robot! Robot! C'est un R ça! C'était même pas prévu en plus. Oh, il a pété, je pense. La position numéro 3 du palmarès francophone, Petit Singe Robot de Violette Pie. Et oui, on s'est tous demandé au milieu pourquoi le bout métal. Ben oui, hein. Pourquoi? Peux-tu être moi, hein? Il n'y a pas de réponse. Parce que ça fait arr! Ah, ben oui, comme les pirates, hein. Arr! Donc, c'est toujours le Véronique Sionnaire en compagnie de Véronique Mire. C'est la lettre R qu'on explore aujourd'hui. Oui! Donc, on continue avec les raisins. Sec ou pas sec? Ah, pas sec. Toutes les sortes de raisins. Ben, en fait, toutes les sortes. Raisins de vent. At large. Hein? Donc, raisins, ben, faut pas les laver. Faut les laver seulement au moment de les consommer si vous voulez les garder plus longtemps. Souvent, les gens ont la mauvaise habitude de les laver tout de suite. Laisser tremper les dans un plat. Ouais. Ou de les laisser tremper. Mmh. Puis là, ben, vite, ils deviennent plus bons. Puis, les couper en petites grappes plutôt que d'en prendre un petit peu par-ci, par-là, là, dans le paquet. C'est mieux, ils se préservent aussi plus longtemps. Hey, j'avais le bon comportement avec mes raisins, je le savais pas. Oh. Hey, moi aussi. Hey, tu sais, quand t'as l'instinct des raisins, on pourrait être des éleveurs de raisins. Le raisin-instinct, comme on dit. Oui, prends ça en note, Mathieu. Bien choisir vos raisins fermes, non ridés. Et ben, ça, c'est comment on choisit une femme. Et mauve. Non. Et puis aussi, bien attaché à la tige. C'est drôle. Ah, ça, c'est comment on choisit un homme. Tu n'es pas attaché à la tige pour ta question. Détaché, il y a une tige rétractable. Donc, fine pellicule blanche, hein, souvent on se demande c'est quoi cette affaire-là? Ben en fait, c'est tout à fait normal, ça les imperméabilise. Oh! Pas la petite, pas quand ils font de la mousse, là. Non. Non, okay. Là, t'es proche d'avoir du vin. Ouais. Mais bon, laisse faire. Mange-les pas. Ça se garde une semaine au frigo. Donc, si vous les lavez pas à l'avance, là, si vous les lavez au fur et à mesure. Sont plus savoureux si vous les sortez du fridge 15 minutes avant de les manger. Absolument. Comme bien gros des fruits d'ailleurs. Ben oui, moi je fais tout le temps ça avec mes fraises. Je fais ça avec mon chocolat. Ben moi je le mets juste pas au frigo, j'aime pas ça de chocolat frais. Avec mes bâtons, maintenant. Ouais, aussi. Ouais, pourquoi pas. Qui met ses bâtons au frigo? Je laisse le bon dé par exemple pour moi. Surtout pas trop mal à cause de l'été. À cause de l'été. Ben aussi, congeler des raisins hein, dans des bacs à glaçons, ben vous mettez pas les raisins dans les bacs à glaçons tout seul, là, vous mettez de l'eau dessus. Puis dans des cocktails, ben ça donne un petit côté original et fraîcheur. Ça, je ferais plus ça avec des cerises au marasquin, moi. Ouais. Ça, ouais, avec des raisins, des bleuets, moi. Moi, je suis allergique aux bleuets. Je deviens vraiment face de bleuet quand on boit. Oh, comme dans Charlie et la chocolaterie. Pour toi. Par contre, les raisins sont toxiques, hautement toxiques pour les chiens et les chats. C'est vrai, ça. Donc, parce qu'il y en a souvent, vous savez que les chats adorent les olives. Hein? Souvent, on leur lance une olive, ils vivent fous. Puis il y en a qui se disaient, ben tiens, un olive, ça ressemble à un raisin. Mais les raisins sont hautement. Qu'est-ce que je dis, là? Toxique, excusez. Donc, symptômes hein, dominants, vomissements, diarrhée, léthargie, donc devient complètement inerte. Je le mime à radio, c'est pas très efficace. Dépression. Et ultimement, ben ça peut mener à la mort parce qu'il y a une insuffisance rénale très, très élevée rapidement. Donc, c'est sûr que c'est pas un raisin qui va faire mourir votre animal de compagnie, mais ça dépend du poids, là, la quantité. Ben, tu prends pas de chance. C'est ça. Puis, ben il y a plein de... Si vous mettez souvent un plat de fruits là, sur la table avec des raisins dedans, c'est sûr que les beaux animaux vont peut-être aller en manger quelques-uns. Donc, il faut faire attention à ça. Faut faire attention aux plantes aussi. Plantes, oui. C'est terrible, aussi. Là. Un poinsettia à Noël, là. Tu laisses pas ça traîner. Du muguet dehors, il y en a partout. Puis c'est, ça aussi, c'est bien dangereux. Moi, elle a mangé mon bambou, mais c'est pas toxique, elle est encore là. C'est rendu un panda, par exemple. Un Hello Kitty. Ben, les raisins secs sont plus dangereux encore que les raisins. Parce qu'ils sont concentrés. Ouais. Genre. Ils sont plus petits, hein. Moi, j'imagine pas mon chat manger un raisin. Oh, ça gicle, là. T'as pas, hein. Ouais. Donc, voilà pour les raisins. Vocabulaire en bref. Donc, j'aime bien ça faire ça. Aller voir dans le dictionnaire cool, des mots que je connais pas. Donc, ben, en fait, que je connais, mais que je savais pas qu'est-ce que ça voulait dire. Comme RAM. Ben, pas comme de la RAM pour un ordinateur. Ouais, ouais. Bon, tu vas nous dire ça, toi, Mathieu. Memory. Ah, t'es pas loin, t'es pas loin. Random Access Memory. Ouais, c'est ça. Donc, mémoire vive de l'ordi. Rapia. Donc, qui vient du lapin. Du lapin. C'est rap yo qu'on dit, pas rap ya. Rap yo. Du latin, rapere, qui veut dire voler. Donc, signifie qu'il dépense avec parcimonie ou avoir. C'est pas moi ça. Oh. Donc, quelqu'un d'avoir peut dire que c'est un maudit rapia. Un rastaquer. Rastaquoi? Quelqu'un qui a des rastaquer. C'est ça que j'ai pensé. Mais ben on... non, ben non. En tout cas, c'est péjoratif. Donc, dites pas ça à n'importe qui. C'est un étranger qui étale une richesse suspecte. Ah, donc, un étranger qui a l'air d'avoir beaucoup d'argent puis que on dit... C'est de la drogue, peut-être. Je sais que ça sort tout ça. Des mères de Laval, je sais pas. Oh. Donc, reste à quoi? Revival, donc, ou revival, parce que c'est en français. Donc, revival, c'est la résurgence d'une mode, d'un mouvement, d'une coutume, d'un style, d'un état d'esprit ancien, comme le fluo. Oh! Tout ce qui est années 90, en ce moment, c'est un revival des années 90. Ça revient, c'est un cycle toujours. C'est pas aussi. Moi, j'avais pensé à CCR. Là. Ah! CCR. Creedence Clearwater Revival. Ouais, c'est ça. Oh, oh. Red Maxis Memory. Ça va avec ça. Ribote. De l'ancien français ribaudé. Hein? Ça, ça veut dire faire le ribot. Se livrer à l'accès signifie quand vous mangez puis vous buvez beaucoup. Okay. Donc, une grosse soirée de bouffe là, avec du vin, de la bière, tout ça, c'est une bonne ribote. Miam. Une ribote? Oui, ça fait très barbare. Ben oui. Bonne ribote. Ben, ou barbare, on dirait qu'on mange avec nos doigts. Là. Ouais. Et dites ribote là. Ribote. C'est ce qu'elle fait, partie toute la journée. Party every day. Ric-rac. Ric-rac. Signifie ric-rac. Ah, le bruit que fait ma grand-mère quand c'est le matin. On la salue d'ailleurs. Ah, oh, c'est pas la deuxième fois, genre tu te fais craquer les doigts, puis là tu le refais, fait que ça ric-rac. C'est craque puis ric-rac, ça monte en bateau. Ric-rac, ça ric-rac. Fait que là, craque tombe à l'eau, qui reste ric-rac. C'est ça. Oh! Okay. Donc, ric-rac signifie avec une exactitude rigoureuse, donc payer ric-rac, payer pile. Hein? Commitment, ma l'épicerie, la chaîne par chaîne. J'ai juste salué ma grand-mère. T'étais pas loin de ta grand-mère, finalement. Ou de façon juste suffisante, de justesse, comme quelqu'un qui réussirait son cours, ric-rac, ça veut dire sur la fesse, là, à 60. Ouais, mais qui c'est qui dit ça? Le dictionnaire. Il est passé ric-rac. Ric-rac, oui. Rouste. Rouste, ça veut dire une bonne volée. T'as mangé une bonne volée, t'as mangé une bonne rousse. Oh. Ah ouais. Mais pas par une rousse. Non, ça, c'est pas pareil que manger une rousse, c'est ça que j'allais dire. Mais... manger une rousse. Ne pas avoir un radis. Radis, c'est pas d'argent? Une serre, c'est moi. Ça, ouais. Pas avoir une serre. Oh. OK, voilà. Pour le petit vocabulaire, en vrai. Cool! Les rats. Rats! Ouh, c'est beau, les rats. Vous aimez les rats? Ah, l'animal? Oui, oui, oui. J'ai entendu tantôt dans la chronique, c'est un fait, là, tu me diras si j'ai tort, si tu l'as lu, mais que les rats n'aiment pas le fromage, sont intolérants au lactose. Ah, je n'ai pas lu ça, non. Ben, information additionnelle. C'est bon, c'est bon. Plus value. Ben, en fait, l'origine du mot rat est incertaine. Ce serait, ça n'existait pas en latin, rat. Ratus norvegicus? Ben, ça, c'est le Roadrunner. Non, c'est le nom de, du genus, là, l'espèce de rat. OK, c'est ouais, ben, norvégique. Ça a été inventé comme tardivement, après, en fait. Tardivement, pas mal. Voyons, ils sont bien en retard. Ah, je te dis, calme. Ça serait une racine plutôt commune aux langues latines et germaniques. Donc, puis même à la fin du 12e siècle, rat et souris, c'était dans la même gang. Puis ils s'appelaient des mousses. Non. C'est devenu... Ah, Mickey Mouse! Mickey Mouse. dans les villes, les rats, hein, sont pas seulement nuisibles au niveau des maladies. On dit qu'ils propagent beaucoup la peste. Et des fois, ils sont dans l'électorat. Oh! Drôle. Profiteurs aussi parce qu'ils mangent de la nourriture. Mais en fait, les rats sont nécessaires dans les égouts. C'est eux qui éliminent les déchets qui font que sinon, les égouts pourraient être bouchés. Hey, tu me laisses-tu, là? Yeah. Non. Okay. Fait qu'à la place d'être bouché de bouchée de rats. D'une autre sorte de oui. Plus petite. Puis, pour votre information, en tout cas, s'il y a des ratophobes qui écoutent, dans une ville, le nombre de rats serait similaire au nombre d'habitants. Ben oui, c'est comme une autre population en dessous de la terre. En dessous de la terre. Puis ça peut aller jusqu'à 30 cm, hein, plus la queue de 23 cm. Comme peut-être. Moi, ça, plus la queue, on m'appelle la même. Plus la queue. Wow! Dites-vous qu'à l'animalerie de l'UQTR, il y en a déjà une bonne centaine, fait que... Ah, ben des rats sauvages. Il y en aurait juste 9980. Les nôtres sont jolis, ils sont blancs. Ils sont blancs et ils sont propres. Ils sont super fins. Et les rats, là, c'est mille fois plus gentil qu'une souris, là. Tellement. Mais oui, des rats, c'est affectueux. Et moi, j'ai entendu dire que ça s'attachait à son maître. Ah oui. Ah, tu veux pas à la fin, quand malheureusement, à un moment donné, il faut comme les exécuter. Mais genre, tout ça se fait avec des règles hyper strictes. Ils souffrent jamais, jamais, jamais. Mais, tu sais, c'est quand même plat. Puis là, tu regardes dans les yeux. Puis là, tu regardes dans les yeux, là. Mais après ça, tu les endors, ils sentent rien. Ils sentent rien, rien. Mais les souris, là, ça, c'est des petites maudites, là. Ça mord. C'est ça. Ils mordent plus. Ah, ben, coudonc. Bon, on a fait l'éloge des rats, puis les souris, mais... eux autres sont agressives, ils mordent. Ils sont spéciales, les souris. Puis, ben, les rats, ils ont une force symbolique. En Orient, en Asie, c'est associé à l'intelligence, l'ambition, la chance. Tandis que de notre côté, en Occident, c'est plutôt négatif. Parce qu'ils détruisaient les récoltes et propagateurs d'épidémies. Donc, mais quand même, l'animal, le rat, a toujours été comme le chien, associé à l'homme. Hein? Donc, indissociable de l'homme. Parce que le rat suit l'homme, hein, souvent. Donc, il y en a moins en campagne qu'il y en a en ville. On va finir avec le rire! Yay! Vous êtes merveilleux. Donc, vous savez qu'au Québec, puis en fait, au monde, il y a un club de rire international. Ben non! Oh. Ça doit être fatigant, ce monde qui rit pour rien. Oh mon Dieu. Ben, il y a plein d'ateliers. Même, ils font des formations en entreprise. Il y a des clubs de rassemblement de rieurs. Donc, c'est les techniques du rire libre ou du yoga du rire. C'est un Indien, Madan Kataria, qui a apporté ça ici, là, plutôt en Amérique. Puis, c'est un mouvement global qui est mondial. On dit que c'est pas parce qu'on est heureux qu'on rit, mais parce qu'on rit que l'on est heureux. Ben, c'est ça, parce qu'eux autres, ils vont vraiment se mettre à rire pour rien, pour devenir heureux. Oui. Ah oui. Là, ça, là, ça me tape ses nerfs. Oui, vraiment. Mais c'est une technique de gestion du stress. Hein? Je comprends. Mais fais-les de ça chez vous. Ouais. Mais de même, ouais, mais ils le font pas, hein, de même. Fais-tu faire ça aux gens en classe, peut-être? Pas à tout. OK, fiu. Non, non, wow, là, ça va faire. Hein, pas pour qui, wow, là. Donc, puis en fait, ce que ça veut, c'est que pour rire, t'as pas besoin que quelqu'un te fasse rire ou qu'il arrive quelque chose de drôle. Tu peux te faire rire toi-même. Donc, c'est un peu ça la philosophie de ce mouvement-là. Puis, moi, ce qui m'intéressait, c'est plutôt les bienfaits du rire. Ça, c'est intéressant. Donc, évidemment, antidote au stress. Parce que ça oxygène bien le sang, favorise la circulation sanguine. C'est aussi un grand relaxant musculaire parce que quand on rit, tous nos organes internes sont massés hein, par le rire. Donc, ça relaxe. Puis, l'hypothalamus sécrète des endorphines, donc hormones à propriété antalgique qui réduit la sécrétion d'adrénaline. Donc, ça calme. Renforce le système immunitaire aussi, le rire. En comparaison avec les émotions négatives qui affaiblissent le système immunitaire. Donc, il y a un docteur de l'Université de Loma Linda, en Californie, Lee S. Burke, qui a fait des études là-dessus puis qui s'est rendu compte qu'il y avait un grand accroissement des anticorps quand les gens riaient, pas des thérapies, mais des séances de rire. Hein, il appelle ça des séances de rire. Parce que, en fait, l'immunoglobuline A, donc, celle qui est située dans les muqueuses du nez et des voies respiratoires est plus forte. Puis, c'est de elle qu'on a beaucoup besoin parce qu'elle nous protège contre les virus et les bactéries. Puis aussi, ça aurait des bons effets pour les gens qui souffrent du cancer. C'est sûr que ça a des effets antidépressifs, c'est bon aussi dans les deux sens. Exercice physique salutaire. Donc, une séance de rire de 20 minutes. Ben, 20 minutes en ligne, là? Ouf! Donc, vous avez juste à vous rappeler d'une bonne soirée. Vous avez ri beaucoup là, le lendemain, les abdos, les joues des fois aussi qui font mal. Donc, 20 minutes de rire, ça équivaut à une bonne séance d'aérobic ou de jogging sans transpiration. Ah, c'est un bon deal, ça. Quand même. Mon Dieu. Puis, un autre docteur, donc William Fry de l'Université de Stanford, a fait des études puis il a vu qu'une minute de rire équivaut à 10 minutes d'aviron. C'est une comparaison. C'est assez mais c'est bon. C'est rough de l'aviron. Ouais, ouais, ouais. Assez intense. Allez. Surtout quand t'as peur de l'eau, il faut en. Non, puis, ben, ça réduit la tension artérielle. Donc, nette diminution de la pression artérielle après 10 minutes d'une séance de rire. Donc, après ça, tu tombes dans les pommes. Puis, ça atténue la douleur parce qu'il y a des endorphines qui sont sécrétées. Donc, quand on a mal à quelque part, le fait de rire. Ça peut aider. Si je ris de la personne, ça peut-tu aider? Ah! Donc, je fais des endorphines supplémentaires. Donc, se payer un billet pour un spectacle d'humour, c'est un investissement, là. Mm. Dans ta santé. Ça pourrait peut-être être dans les régimes des employés, là. Oui. Moi, je suis tout pas. Ben, conseil, moi, pour moins cher, là, Steph va me comprendre plus que vous deux, peut-être, là, mais Who's Line is Anyway, l'émission d'improvisation, là. Ah, 20 minutes, tu ris tout le long. OK. C'est trop rien. Bon. Il y a comme 200. C'est trop bon, cette émission-là. Fait que ça recommence le 16 juillet à la télé, nouvelle saison, Who's Line is Anyway, la pub est faite. Oh, oh. Sinon, il y a dimanche prochain les happenings d'impro qui commencent au Zenob. C'est à 20h, je crois. Ça va être à se rouler par terre. Donc, pour une petite bière, puis du rire, ça va à peine. Déroule le rebord pour rire. Moi, j'appelle plus ça arrache le rebord, mais ça, c'est... Ah, mais bien, arrache tes dents. Mon opinion. Ouais. Déroule le rebord des poubelles pour voir à l'université des pays des petits vases ce qui dépasse. Mais t'as quelque chose de pas salubre dans la bouche. Mais on gagne jamais. Ouais, mais là, on boit pas. Okay. Véronique, tu finis pas avec une blague, rien, pour nous faire rire? Tu comptais sur moi, hein? Désolé. Ben non. Maudit. On peut recompter, là, notre joke de... Pas pète pis répète, là, mais... Crac pis récrac. Crac pis récrac. Ça va en bateau. Ouais. Fait que crac ton ballot, qui reste? Qui reste, Véronique? Crac. Non, c'est vrai, il fallait la redire. On se peut plus. Ah oui, il faut recommencer. Merci, Véronique Mire. Ça fait plaisir. À la semaine prochaine pour la lettre Q. Oui, Allez, là, on va voir tu vois. Que la oui. Lettre Q. Les adultes d'un âge plus avancé nous ont enseigné de dire que. Mon prof d'histoire disait que parce que c'était trop vulgaire. Ben, vulgaire. Moi, je vais dire Q. OK, moi, je vais dire que... Quenouille. Quenouille. Quesadillas. Question. Quiz. Quiz, c'est bon, ça, quiz. Oui, le jeu quiz, là, avec les petites faces de gens, là. Y a-tu une barbe? Y a-tu blanc? Oui, ils sont tous blancs. non, c'est pas vrai. Je pense qu'il y avait deux noirs. C'est vrai. C'est vrai. Il y avait des madames aussi. Variété, hein? Je peux vous faire une petite joke plate? Vas-y. Donc, qu'a fait Beethoven depuis qu'il est mort? Je pense que je le sais. Dis. Décomposition. Ah! Il décompose. C'était pas loin. T'es carotte. T'es vraiment de mauvais goût un peu. Ouais, c'est ça. Ben non, il est mort, ça fait longtemps, on a le droit d'en rire. Okay, c'est pas comme si on faisait une blague sur, mettons, la tragédie... Blague mégantique. Blague mégantique. Hey, non, mais j'en ai pas de blague. J'en ferai pas. Hey man, on va recevoir des courriels, là. Il est trop tôt, mais je pense que Beethoven est assez tard. Ouais. Bon. C'était une joke plate, vous avez dit. D'accord. Mais non, c'était un jeu de mots, c'est bon. Mmh. OK. On commence à dérailler. D'accord. Dérailler. Oh. Ouh, dans le cul la semaine prochaine. Oh. Dans le cul la semaine prochaine. Dans le cul à qui? La lettre Q, la lettre Q. On prend une pause, on revient au retour avec 16, mais ça devrait répondre le reste là. Avant tout le monde. 89.1. Toujours Rassemblage Requis à la plage avec Stéphanie Paradis. Et Mathieu Blanc. Oui, et Justine Renaud est toujours là. Qu'est-ce que c'est? Justine Renaud. Justine Renaud. Non, c'est ben, Véronique, elle nous disait qu'en fin de semaine, elle avait eu la gastro. Oui. Ben, j'aime tout le monde. Oui, c'est ça. Radio. Oyez. Message à la communauté étudiante. Ben là, c'était à toi de. Elle nous a vu de la fin. Pas nous. Elle nous fait des signes de vomi, vomi. Oui, j'ai une phobie de ça. T'es du vomi? La gastro, de Véronique. Ben, d'être malade, là. Okay. De Véronique. En ce moment, oui. Bon. Hey, les filles! On est passé de aucune fille au début de l'émission à deux filles, à trois filles. On se multiplie. Ça se multiplie comme des rats. Des rats. Là, tu parles-tu avec la signification occidentale ou orientale? Ah, je sais plus, là. Orientale. Merci. OK. Good. Je sais pas où on s'en allait avec ça. On s'en allait vers une autre chronique. C'est ce qui va terminer l'émission d'ailleurs. Voici, ça existe, mais ça ne devrait pas. On l'a. Mais ça ne devrait pas, on l'a, c'est la chronique des choses qu'on se procure comme ça avec l'argent qu'on a, le peu d'argent qu'on a à travers l'année, il faut bien savoir où la mettre et moi je vous conseille où la mettre. Si tu veux te rapprocher, Justine, les images sont sur le site assemblagerequis.com ou sur mon ordinateur ici, comme tu veux. Comme tu veux. Donc commençons avec le premier gadget, Steph, c'est une chaise qui te donne un câlin à chaque fois que quelqu'un écrit sur ton mur Facebook pour ta fête. C'est le restaurant Outback Steakhouse qui a travaillé avec l'agence de publicité Lulera et TBWA pour développer la B-Day Chair, une chaise avec des bras mécaniques qui te donne un câlin à chaque fois que quelqu'un te souhaite bonne fête sur ton mur Facebook. Donc, tu t'assois, tu t'inscris sur ta page Facebook avec la tablette qui est attachée à la chaise. Et là, évidemment, tu donnes toutes tes informations au restaurant puis ils vont pouvoir te vendre la pub plus tard, te montrer de la pub. Ça prend une photo de ta réaction à chaque fois pour remplir ton wall avec un paquet de cossins que personne ne veut voir. C'est pas un peu loser d'avoir besoin de ça pour avoir des câlins? À peine. OK. À peine loser, mais bon. Ensuite de ça, ça c'est génial. Ça s'appelle Tile sur le site thetileapp.com. C'est une affaire pour retrouver tes objets. Okay? Donc, ça peut localiser n'importe quoi, ces petites tuiles-là. Donc, c'est un projet qui a été, dans le fond, qui était un peu comme Kickstarter, mais plus indépendant. Ils ont ramassé 2973% de l'argent qu'ils demandaient, donc 595 000 $. Et donc, c'est une petite tuile. Tu peux ajouter jusqu'à 10 tuiles sur ton compte. C'est un petit morceau de plastique tout petit que tu colles sur quelque chose. Tu peux partager où sont tes tuiles avec les gens. Les tuiles peuvent te donner une alerte si jamais il se passe quelque chose. Et l'application se rappelle de la dernière fois et de l'endroit où il a vu ta tuile. Donc, avec un GPS qui est dans la tuile, OK? Ça va te dire, par ton téléphone, tu vas pouvoir savoir où il est. Comme ça, tu pourras jamais perdre tes affaires, tu comprends-tu? Puis admettons que tu perds ton téléphone. Ouais. Ben, il faudrait que tu aies mis une tuile sur ton téléphone et que tu le retrouves sur ton ordinateur, peut-être. Hein? OK. Aha. Donc, compatible sur iPhone et autres appareils iOS. Ça fonctionne jusqu'à 50, entre 150 et 150 pieds. Pas de batterie à remplacer. Jamais de batterie. En fait, ça dure un an, la tuile. Et ils vont te rappeler... quand ça va être le moment de changer tes tuiles. Oh! C'est cool quand même comme idée. Donc, thetileapp.com, c'est très, très cute, le petit morceau de plastique avec que tu peux mettre sur ton porte-clés ou sur ton sac. Oui, c'est quand même esthétique. Moi, j'aime bien cette idée-là. Ensuite, oh, tiens, ça, c'est pour les paresseux qui veulent pas avoir à laver leur téléphone trop, trop fréquemment. C'est, oh non, non, c'est pas ce que je pense. C'est un Roomba pour téléphone, c'est le Auto Mi. Oui, oui. Donc, c'est pour nettoyer votre écran de téléphone cellulaire. C'est multifonctionnel, donc vous pouvez l'utiliser sur votre iPad, Kindle, moniteur d'ordinateur, n'importe quoi qu'on peut mettre à l'horizontale, couché sur une table. Et voilà. Donc, pas besoin de batterie. Pas besoin de batterie. Ben oui. Ça marche comment? Je sais pas. Non, je pense que ça a des batteries, en fait. Ouais. Bref, le texte est mal écrit. Mais c'est sur Amazon que vous pouvez retrouver le Auto Mi, ce Roomba pour téléphone ou autre appareil. Ça coûte une trentaine de dollars environ. Ensuite, quand vous avez à chercher dans vos tiroirs le soir et qu'il fait noir, vous voulez pas déranger personne, IKEA a la réponse pour vous. Non, c'est le nouveau Deodor Strip Light qui illumine vos tiroirs, penderies et autres garde-robes. Donc, ça coûte 15$ avec 6 piles 3A. Des LED, des lumières LED qui vont automatiquement s'illuminer pendant 15 secondes quand on ouvre un tiroir ou une porte. Il y a un sensor dessus et ça va s'éteindre après 5 secondes pour pas gaspiller les batteries pour rien. Et c'est super simple, donc t'attaches quelques vis, tu visses les vis ou encore tu les colles avec de l'adhésif. Mais tu dis ça reste allumé combien de temps? 15 secondes. Mais admettons que t'as pas trouvé ce que tu voulais au bout de 15 secondes, faut que tu fermes et que tu rouvres ton tiroir, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. 15 secondes, ça va illuminer pendant 15 secondes. Nanana, ça va s'éteindre après 5 secondes dans le noir. C'est ça que je comprends pas l'affaire entre 5 et 15 secondes. En tout cas, tu as assez de temps pour trouver, mettons, si ta paire de bas est noire ou blanche. Mettons, avec ta petite lumière. Moi, j'aurais préféré que ça éteigne juste quand tu fermes le tiroir. Aussi, mais des fois que tu oublies de le fermer. Non, je sais pas ça. Quand il fait noir, je sais pas. Ensuite de ça, ah, tiens, ça, si vous trouvez ça joli et que vous voulez l'acheter vous-même, c'est un bracelet fait avec des dentiers. Le Denture Bracelet sur Etsy, c'est par Concave Oblivion. Ça coûte 135$. C'est fait de vrais dentiers et c'est poli à la main. Ça m'écoeure! C'est fait en acrylique. Ouais, c'est ça. Exactement. Donc, on peut retrouver ça sur Etsy, comme je le disais, et j'aimerais ça savoir combien ça coûte. T'as même une belle petite passe pour les cheveux. Oui! Hein? Ça, c'est beau avec des dents. Débile. 25$ environ. Ensuite, tiens, dans le temps, je me rappelle, quand j'étais enfant, j'avais des autocollants qu'on mettait sur le plafond, des petites étoiles, oh, puis ça brillait en noir. Oui. Ouais. Ben, c'était difficile à enlever. Hein. Donc, on a une nouvelle lampe qui projette des constellations. C'est la Starry Lights Lamp par Anna Farkas. Ça projette des constellations précises, donc exactement comme dans la vraie vie. 4 différents modèles basés sur comment les étoiles apparaissent lors des saisons. Donc, l'équinoxe hivernal, le solstice d'été, l'équinoxe d'automne et le solstice d'hiver. Et puis, les étoiles sont faites à 45 degrés latitude nord. Donc, ceux qui sont dans l'hémisphère sud, ça marche pas pour nous. Non, tu peux l'avoir pareil, mais ça va être les étoiles. C'est de... cool! C'était-tu bien dispendieux? Bonne question! Parce que pour vrai, moi, c'est quelque chose que j'aimerais avoir. Je trouve ça magnifique. Ça commence à 1000$. Ah, je vais laisser faire. C'est moins beau tout d'un coup. Un petit peu moins beau. L'impression 3D, c'est très à la mode en ce moment. On peut faire, entre autres, des plantes avec ça. J'ai vu un article là-dessus récemment. Bon, donc, cette imprimante 3D-là peut... peut le faire avec n'importe quel matériau plus mou, comme de l'argile ou encore de la Play-Doh, de la plasticine. Hein? C'est pas génial, ça? Donc, imprimante 3D qui fonctionne avec des... on peut placer des filaments de plastique PLA, ABS, je sais pas trop quoi, avec une unité spéciale. Donc, Play-Doh, plasticine, silicone ou même le sous-grou. Sous-grou, c'est l'espèce de pâte que tu peux mettre sur n'importe quoi et qui va devenir solide après, là. Je sais pas, là. En tout cas, bref, c'est super cool, le sous-grou, S-U-G-R-U. Allez voir ça sur YouTube. J'aime le concept. Le Blue Lounge Key, C'est un accessoire pour ceux qui ont un appareil iOS, donc encore une fois, iPhone, iPad, iPod Touch, et avec les petits ports Lightning, on oublie tout le temps notre fil, donc c'est une clé qui se met après votre porte-clé, il y a un petit bouchon je pense qu'il n'y a même pas de bouchon en fait. Donc c'est deux accessoires, le Qi, qui est juste un adaptateur Lightning, et l'autre c'est le... comment il s'appelle l'autre? En tout cas, l'autre c'est... je le vois pas l'autre. Ah, je pense qu'il est en bas ici, c'est le Sideoka. Ce genre de petit dock pour votre iPhone. Donc, c'est un dock plus horizontal pour que votre iPhone, à la place d'être debout sur le dock, comme d'habitude avec un iPhone, à la place, il est un petit peu couché presque à l'angle d'un clavier. Donc, tu peux continuer de l'utiliser. Ah. Alors que quand il est debout, c'est difficile de l'utiliser. Ça. C'est cool. Très, très cool. Donc, celui-là, ça s'appelle le Sideoka et l'autre, c'était le Qi. Sautons par-dessus quelques affaires. Il y en avait un qui était un scooter sac à dos. Là. C'est très intéressant, mais on le saute. Le lien va être sur assemblagerockey.com. Le prochain, c'est un bâton pour votre chien, mais en plastique. Donc, si votre chien ne voulait pas avoir à trouver des bâtons pour le faire courir un peu. Ou pour pas qu'il y ait des chardes entre les dents. Exactement. Donc, 15$, c'est le Pet Stages Durable Stick. C'est supposé être plus durable qu'un vrai bâton, qu'une vraie branche d'arbre. Je vais passer en bref dessus. Le Soul Power, c'est une affaire qui recharge votre téléphone cellulaire un pas à la fois. Donc, à chaque pas que vous faites, ça recharge un petit peu plus de votre cellulaire qui est branché par USB dessus. C'est quand même cool. Mais non. J'ai fait commande Q à la place de commande W. Q. Ouais, Q. Une chance que Chrome rouvre tout en même temps quand tu rouvres, hein, t'as-tu? C'est incroyable. Incroyable. On revient où on était. Le prochain, c'est un bijou. C'est pour les amateurs de Zelda. En fait, c'est les chansons de Zelda, 12 des chansons des différents jeux vidéo de Zelda, mais représentées avec leurs notes sur des bagues. Donc, tu peux acheter une de ces 12 bagues-là, très, très jolie. C'est les chansons de Legend of Zelda, Ocarina of Time et Majora's Mask. C'est une vendeuse sur Etsy qui s'appelle Peregrine Studios. Il y a donc trois modèles, trois finis différents. Tu as naturel, bronze et or. Et puis, ça va à 60$ par bague ou 250$ pour l'emballage de 6. Wow! Ça, c'est geek intense, là! Incroyable! Parce tu peux pas aller plus loin. Tu regardes ça, puis... Tu sais, tu le vois pas, la toune, là. Non, faut que tu dises aux gens qui te le demandent, c'est quoi ça? Ben, c'est les chansons de Zelda, mais c'est note, ça. Ça. Ouais. Si votre chien veut tout le temps s'asseoir sur le divan, mais vous voulez pas qu'il s'assoie sur le divan, achetez ce divan-là. C'est un divan avec un compartiment sur le côté, fait en bois. Et votre chien peut aller se coucher dessus, il y a un petit coussin. C'est les, le M-Pop. Les petits chiens. Les petits chiens. Les moyens chiens, maintenant. Ouais. Gros chien, non, ça rentre pas. Du tout. Allons-y avec... Ah, tiens, ça, c'est un crayon pour le bureau, mais en forme de petites herbes. Oh! En fait, on dirait du gazon très long ou des affaires que tu fais de la musique avec, Les feuilles qui sifflent. Ouais, les feuilles qui sifflent. Bref, tu peux en acheter plusieurs. Ça s'appelle les Pouleaf. Pouleaf. 5$ par stylo. Donc, c'est vraiment un stylo, mais quand tu le mets dans le petit pot, ça ressemble à des herbes. Et puis, si tu en achètes l'emballage au complet, ça va être vraiment cher parce que c'est chacun un crayon. Mais c'est vraiment beau. C'est très beau. Ah, tiens. si vous aimez les balles rebondissantes, mais vous voulez en être une humaine, si oui. on veut, c'est les Body Bumper Balls. Donc, tu gonfles ça sur ton corps et tu deviens un ballon bleu avec, en bulle, si on veut. C'est vendu individuellement et non pas en paire. Pourtant, ça s'appelle le Body Bumper Ball. Mais comment? Tu peux devenir un peu comme une auto-tamponneuse, mais... C'est ça. Et pour 40$ chaque, ça vaut la peine. Vous voulez savoir la température de votre café? Cette tasse-là va vous le dire. Donc, c'est une tasse que lorsque le liquide est dedans, ça va te dire avec un petit logo bleu qui est entre 0 et 35 degrés Celsius. Jaune, c'est entre 35 et 75 pour le thé. Et entre 75 et 90, c'est chaud pour le café. Parce que vous savez que le thé et le café doivent être à des températures différentes. 37$ par tasse. Hey, j'aime ça, mais j'aime vraiment ça. Je me brûle tellement tout le temps avec mon café. À job, tu veux pas avoir à penser. T'es en train de faire quelque chose d'autre. T'as besoin de savoir la température instantanément. Ouais, mais toi, tu bois brûlant et froid. Oui. Donc, ton range d'utilisation de ton café est assez élevé. Moi, je le bois vraiment à température précise. Ce qui fait que faut que je le sache, c'est quand le moment pour boire mon café. T'as des critères, toi. Hein? Oui, j'ai des critères. C'est ce que tu veux, ma chère. Oh que oui. Et on termine avec cette araignée-là, super réaliste et épeurante. Ça coûte 1350$. C'est la Robotics. C'est la compagnie Robotics qui vend l'araignée qui s'appelle T8. Ça ressemble à une araignée vraiment très grosse et très épeurante. C'est un robot avec une coquille imprimée par impression 3D. Et puis à l'intérieur, il y a 26 cerveaux moteurs pour créer le mouvement réaliste. Et un algorithme logiciel kinétique inversé. Qu'il faut utiliser sur un ordinateur pour la conduire, cette araignée-là. Ça va être disponible au mois de septembre. Étrange. Ça sert à rien, là. Absolument rien, okay. À part faire peur aux gens. Genre toi? Genre. Allez voir les liens sur assemblagerequis.com pour la chronique. Ça ne devrait pas, on l'a. Merveilleux. On retourne en musique avec le palmarès francophone et on va pas mal se quitter là-dessus. Donc, terminons là. Déjà, on dirait que l'émission a duré juste une heure. Ben, c'est ça. C'était pas mal là, pas mal là, ah, une heure. Ah, c'est pas mal ça. On remercie Véronique Mir. Qui d'autre aujourd'hui? Les jeunes talents qu'on a reçus. Isabelle, Jeanne et Mick. Hey, j'ai manqué ça. J'ai pas le choix d'écouter la reprise. C'était le fun, mais non. Oui, et parlons-en dans quelques secondes de la reprise. Le temps qu'on remercie aussi Justine Renaud. Ben, ça m'a fait plaisir. Ouais. Notre ami Jean-Philippe Charbonneau. Ben, pourquoi pas? Steph? Moi, je l'ai même pas vu, Jean-Philippe. On voulait se taper dans la main pour... switcher, mais Colin... Il est parti trop vite, on n'a même pas eu le temps, Colin. C'est pas... retrouvez les liens sur l'assemblagehockey.com. Les liens de l'émission et les balados de diffusion sont tous là. Retrouvez cif.ca aussi pour la programmation complète. D'ailleurs, programmation qui comprend notre prochaine émission qui est Assemblage Requis à la plage jeudi prochain entre 14h et 18h. Et c'est là pour Rock Révélé. Ensuite, on repasse le samedi entre midi et 16h. Et c'est là pour le voyage insolite. Et dimanche entre 10h et 14h. Après, nous, c'est Ton genre de bleu. Et si vous écoutez dimanche, je reviens à 16h pour la première officielle du Mathieu Plante Show. Donc, soyez-y. Elle n'a pas manqué. Non, elle n'a pas manqué du tout. Ça va être très bon. C'est là-dedans, il y a CNX, il y a Television, et c'est un fait Tech Edition. Donc, c'est pour les geeks. Et si vous êtes impatient de savoir de quoi ça a l'air, il y a le pilote aussi qui est disponible. Sur assemblagerequis.com. Oh oui. Merci, Steph. Et on se quitte avec le numéro 1 francophone. Est-ce que tu numéro 1 francophone? Pas mal. Ben oui. Donc, le numéro 1 francophone, ça a monté d'une petite place. Et c'est Lettre d'amour de Caféine. Ah, hop, pas en train de mettre la bonne. Pas en train de mettre la bonne. Hey, bye. Allez, là. Salut! Ça aurait mal fini un peu de mettre la mauvaise. Hein. Je garde comme si c'était...